Il est 19h. Retrouvez l'Infernal et son équipe dans La Voix du Geek, l'émission 100% jeux vidéo sur O2 Radio. C'est pas vrai? Alors tu montes le son et tu fermes ta gueule. Allez, salut à tous, bienvenue dans La Voix du Geek saison 4, mesdames, messieurs. Allez, nous sommes en direct, on est parti pour une heure et demie de jeux vidéo et de bonne humeur comme chaque semaine. Et ce soir, émission un petit peu spéciale, car non, on n'est pas 50 dans le studio, nous sommes au Meltdown. Ouais. Alors je vous explique pas tout le bordel technique qu'il a fallu qu'on fasse toute la journée, mais ça marche, j'espère en tout cas, sinon je vais recevoir un texto enflammé de monsieur Jérôme qui nous écoute. Ah bon, alors apparemment sur le stream, on nous dit, bordel. Alors, on nous dit que c'est du morse l'émission pour l'instant. Eh ben écoute, c'est du morse, on livrera, tu sais, le petit truc pour décoder après. Mais on le fera après. Ouais. On nous salue, ouais, nous saluons salut tous la banquise. Et les autres. Ah non, toi t'as bien fait de l'ouvrir. Ah tata, mon gars, tu sais que t'es en direct sur la bande FM. Comment tu t'intitules? Pierre. J'aime pas trop Pierre, on va t'appeler Michel. Est-ce que tu peux nous redire, refaire ta vanne? Je dis qu'il faut pas oublier les otaries, non? Voilà, on embrasse toutes les grosses qui nous écoutent ce soir, voilà. Allez, bon. Allez, on est en direct et c'est ça qui est bon comme chaque semaine. On va se faire une bonne émission ce soir, on va parler de jeux vidéo évidemment. On va faire toutes les news jeux vidéo de la semaine. J'ai que des news cuisine. Oh bah merde, bon le bifurque tout de suite sur Top Chef, direct, hop, il part sur M6 ou TF, hein, je sais plus lequel. Bref, on va se faire les news jeux vidéo, j'ai préparé un gros quiz, on va vous faire gagner des cadeaux, évidemment. Ah, tout de suite, alors, tu vois tout de suite les piques assiettes. Ouais, voilà. Et attention, parce que, là, dans le public, il y a Régis qui fait la sécu. Il vaut mieux pas l'emmerder, Régis. Mais il va nous dire un petit mot tout à l'heure en direct aussi, ça fait plaisir. Et puis on va parler aussi, on verra, si on a le temps, si on en a l'envie, on parlera de Resident Evil 0, parce qu'on y a joué un petit peu. Moi, on pourrait le rappeler, je sais pas, tueur de tapis 0. Hein, Resident Evil. Ouais, c'est vrai. Évidemment, comme chaque semaine, je ne suis pas seul. Toute la bande est là. C'est bon, vos micros sont allumés. Je vais commencer par le dernier arrivé, tiens. Il est là. Il est là. C'est le seul homme, mesdames, messieurs. C'est le seul homme capable de monter en haut d'un escabeau et de sauter dans une canette de coca. Et qui est là, mesdames, messieurs? Ouais. Merci l'Infernal. Jolie intro. Eh, comment ça va, mon poulet? Écoute, ça fait du bien. Ça fait du bien d'être ici. Avec plein de gens autour. Et ça fait oui. Bien d'être avec vous. Et surtout avec les gens qui nous écoutent. Donc voilà, je vous invite tous à faire un petit. Alors attends, il y a le micro de Kogu qui marche pas. On est en direct. Bon, on va se débrouiller, t'inquiète. Et puis il est là. Il est beau, mesdames, messieurs. Il a des parts dans la caravane. Monsieur Lopez. Hein, mon copain? Comment ça va, Goustic? Ça va très bien, je sais absolument pas si le micro marche. Théoriquement, non, oui. Non, il marche pas. Ça marche, mais tout doucement. On travaille alors, avec des amateurs. Je vais vous monter. Est-ce que tu tentes? Est-ce qu'il faut que je parle comme un gros porc en fait? C'est ça. Ah, voilà. Ah, ouais. Ah, il faut que tu tiennes ton micro, pas comme une pub, pas comme d'habitude. Alors, je vais me mettre en mode faflarage, c'est ça. Oh. Il faut que tu le tiennes en mode ouais, ouais, ma gueule. C'est ça. On présente la voix du geek, si. Eh ben écoute, ça va très très bien. J'ai pas joué aux jeux vidéo cette semaine, à part Resident Evil 0. T'as rien branlé quoi? Non, je suis allé au ciné, mais c'est pareil. Ah. Je suis allé voir le dernier Tarantino et je vous le conseille vivement, mais vraiment. Mais tu l'as pas vu sur internet? Non, parce que je suis pas un bâtard de... Goustic, Goustic, il télécharge rien. Je suis désolé, un Tarantino, c'est comme du bon vin, ça se savoure, alors tu vas au cinéma. Sauf quand il dit qu'avant la sortie quand même. Ouais, non, après ça c'est pas son problème, mais il y a eu tellement de problèmes avec ce film. Même les PDF, il les télécharge pas. Hein. Non, mais rien. C'est clair, tu lui envoies un truc, il récupère pas quoi. Et alors du attends, coup, je suis en train de régler en même temps ton micro. Y a pas de souci. Et voilà. Et aussi, je suis allé voir Le Garçon et la Bête. Ah. Sans moi. Eh oui, sans enfoiré. Toi. Ouais. Ouais, je sais, je enfoiré, sais. Tu savais que je voulais aller le voir. Je sais, plus. Mais tu sais, dans mon patelin à Libourne, le cinéma était pas cher en ce moment, tu vois. Donc du coup, je vais au promotion. En fait, vois, le cinéma chômeur, de Libourne, quoi. C'est un écran, tu sais, il fait 140 cm. Et tout le monde y va, tu sais, en mode, ah putain, cool. Dans un salon. Ouais. Dans un salon, ouais, c'est ça. J'ai monté un petit peu le son. Alors Jérôme, à l'autre bout de la terre, en duplex, envoie-moi un texto si ça explose. Puis désolé pour le stream. Au pire, mettez-vous sur audioradio.net. Voilà. C'est ce qu'il faut. C'est bon, t'as balancé l'info. Eh ben, c'est cool. Il est là, mesdames, messieurs. Attention. Il est beau. Il est beau. Il travaillait pour les experts, fut un temps, avec monsieur Richardson. Monsieur Kogusson est là ce soir. Absolument. Bonsoir tout le monde. Bravo. Salut la France. Comment ça va, on voulait? Ouais, ça va, ça va. On a failli arriver un peu juste, mais c'est bon, tout s'est bien goupillé. Je suis à la recherche d'un nouvel enfant, j'ai perdu la mienne. Du coup, mais, moi, je veux. Mais sinon, ça va. Nickel. Je veux t'appeler papa. Tu peux. Et bah, écoute, nombreux vas-y. Dans ce cas-là. Cool. On le fait déjà. J'embrasse toutes mes maîtresses. Et on les embrasse aussi. D'ailleurs, ta femme est dans le public en ce moment même. Une de mes femmes. Une. Ouais, excuse-moi. Et il est là. Il est toujours aussi beau gosse. Ouais. Il est arrivé au Meltdown avec un crocodile. Avec un crocodile sous chaque bras. Crocodile Dandy est là. Bonsoir. Bonsoir la France. Bonsoir la France. Bonsoir la France. Bonsoir Washington. La Gaule. Bonsoir la Gaule. Comme t'as l'habitude de le dire. Ah ouais. Bonsoir la Gaule. Bon, ça va, poulet? Ça va très bien, ouais. Bah, Warframe, hein, comme d'habitude. Oui. Oh, notre grande habitude, un peu moins quand même que. Il y a relâchement. Ouais, il y a relâchement, je pense aussi un petit peu soulage. Hein, bah, c'est-à-dire que jouer à un jeu vidéo 26 heures par jour, au bout d'un moment, ça gonfle, quoi. C'est ça. D'ailleurs, je vous invite à le tester, Warframe, c'est sur de la PlayStation merde. 4. Mais alors, c'est pas parce que t'as pas aimé, hein. Non, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Voilà, tu vois, le public réagit. J'ai pas aimé non plus, en fait. Bon, alors, double. Voilà, double. Voilà. Ça, voilà, c'est bien fait. Il y a la liberté d'expression quand même ici. Oui, ah, zéro ici. Moi je te mute direct. Et puis cinéma aussi, bah, comme Goustic, je suis allé voir Les 8 salopards et franchement, bah, ça déchire bien. Ça dure 3 heures mais tu les vois pas passer. Putain, moi je me suis trompé, j'ai voulu aller le voir, j'étais voir Les 8 salopes, rien à voir quoi. C'était la salle d'en face et je suis la trompé. La version d'Orsay quoi. Bah ouais, la ça version doit être pas mal hein. 3 heures aussi le film. Ouais, c'est bizarre. Ça tirait beaucoup. Ah. Très bien. Pour un film de cow-boy. Bon bref, tout le monde va bien alors. Bah, très bien. Ouais. Bon bah c'est cool. Est-ce que vous voulez que j'envoie la musique des news? Ouais. Eh ben, oh, bah ouais. Vas-y. Alors je sens. Ah non, j'ai cru que tu voulais le faire. Ah, je veux bien. Alors c'est celle-là. Laquelle? Ok. Faut que t'appuies fort d'un coup sec. Attention, il va tout faire exploser. Oh, joli. Comme à la maison. Allez, qui s'y colle, tiens? Eh ben, coucou, allez. Kobu, bah alors, allez, vas-y. Alors, bah, Kobu, il avait simplement envie de vous parler ce soir, moi, d'un coup de cœur de série. Je sais pas si on t'entend en fait. Parle vraiment fort dedans. Si. C'est la première fois qu'on me dit que j'ai un trop faible organe. Ouais, bah oui. Il va falloir que tu donnes de la voix. Va falloir dans que la bouche. Ok. Alors moi, voilà, moi j'ai eu un petit coup de cœur cette semaine donc sur une série originale Netflix. Qui est une série en fait documentaire. Documentaire. Bienvenue au Sud-Ouest. On dit comme ça dans le vrai jargon. Sur le foie gras et cool. Donc c'est une série moi qui m'a glacé le sang, tout simplement par le fait que bah, c'est un documentaire. Donc c'est une histoire vraie. Donc la série en elle-même, donc ça s'appelle Making a Murderer. Je la conseille vivement à tout le monde. Merdeur. C'est un mélange entre Faites entrer l'accusé et Les experts, sauf que chaque fait qui est d'expliquer, est vrai. On suit la vie d'une personne qui s'appelle Steven Avery, qui a été emprisonné, qui a été accusé dans les années 80 dans le Wisconsin. Yes, it is the Wisconsin. Voilà, juste à côté, je crois, de la Creuse. Ouais, voilà. C'est ça. Et donc, il a été accusé d'un meurtre qu'il n'avait pas commis. Il a été enfermé pendant 18 ans. Au bout de 18 ans, ils ont enfin les preuves. En tout cas, enfin, ils les prennent comme quoi c'est vraiment pas lui qui a commis cet assassinat. Le voici dans la voix du geek, il arrive. Et le voilà, on l'a retrouvé. Aujourd'hui, c'est lui qui fait le videur. Il est là. Et en fait, cette personne, 15 jours après à peu près avoir été libéré et gracié, dans la casse familiale dans laquelle il travaille, le corps d'une femme, une photographe, est retrouvé. Il repart au trou. Et là, tout ce qui se passe, tous les procès, toutes les enquêtes. C'est-à-dire que dans la série, lorsque vous tapez le nom des protagonistes à l'écran, vous avez leur profil Facebook. Et ouais, parce que c'est une histoire vraie. Sachez qu'aujourd'hui, cette personne est toujours enfermée. Donc sans teaser la fin, puisque cette série documentaire fait 10 épisodes, pardon. Et aujourd'hui, donc, il est toujours enfermé. Et donc, ça a été diffusé il y a 3 semaines sur Netflix la première fois. Et ça fait une vague, un tollé aux États-Unis. Aujourd'hui, ils en sont à un peu plus de 450 000 signatures pour demander la grâce de cette personne-là. On reconnaît bien là quand même le système judiciaire américain. Hein, tout à fait. Ouais. C'est sûr. Non, mais j'ai rien fait. Tu te tais. C'est un peu ça, quoi. Et là, du coup, moi, j'en suis donc au 7e épisode sur 10. Sachez qu'aujourd'hui, je ne sais pas qui est le plus coupable dans l'histoire, si c'est lui ou si c'est la police qui a monté cette histoire. La police et tout le comté, la ville, les magistrats. C'est une histoire absolument mais rocambolesque. vous voyez ça au cinéma, honnêtement, vous dites, bon, les mecs, ils ont fumé, quoi. Ok. Et ben là, tout est vrai, quoi. Donc, comment ça s'appelle? Ça s'appelle, donc, Making a Murderer. Et c'est disponible sur Netflix. Et c'est disponible donc, sur Netflix et sur toute plateforme non légale. C'était intéressant de le préciser. Carrément. Voilà, voilà. Allez, au hasard, Eiki, tiens. Tiens, j'en étais sûr. Bon, moi, je vais vous parler de Rocket League. Ah, Rocket League. Parce que je trouve que vous avez un peu déserté en ce moment, quand même. Oui, ben, on peut pas être partout, quoi. Mais voilà, Rocket League, eh ben, sachez que les joueurs classés vont bientôt être récompensés, puisque c'est bientôt la fin de la saison 1, c'est Psyonix qui l'a annoncé, et que par conséquent, tous les joueurs qui se sont bien classés pendant cette première saison auront à chacun selon le grade, à savoir que si t'es bronze, t'auras une couronne un peu pourrie, et plus tu as un bon rang, plus tu vas avoir une super couronne exclusive à la saison 1 pour ta voiture. Voilà. Oui, c'est juste un... Ah oui, d'accord. Ok. Moi, je pensais qu'ils allaient t'envoyer des... C'est-à-dire une couronne, tu vois, un implant dentaire. Non. Ah oui, non, non, on tu gagnes chez le dentiste, c'est ça? Non, t'es trop sympa. T'es le king du gazon si t'es bon. D'accord. Voilà. Voilà. Le king mais du c'est gazon. Quoi, c'est parce que vous êtes tous nuls que. Non, oh, malheureusement. Non, non, non, non, mais c'est juste qu'ils ont envie de jouer à Rocket League. Nous, on a côtoyé les hautes sphères de Rocket League au moment où c'est sorti. On le découvre pas maintenant. Au mois d'août, t'aurais moins fait le malin. Bon, maintenant, je dis pas. Non, mais sans déconner, Rocket League, c'est un jeu où on gagne très vite et où on perd aussi très vite, quoi. Le coup de main, quoi. Dans la vraie vie, en fait. C'est ça. Pour ça, j'alterne main gauche, main droite. Après, tu vois, tu m'avais vendu du rêve par rapport à Goustic. Et il s'est jamais amélioré. Hein. Mais oh, depuis le temps qu'on vend du rêve, et notamment sur Goustic, t'y crois encore, toi. Quand on joue ensemble, il est bon. Mais dès qu'on. Non, mais dès qu'on joue, il y a Takazu qui est là, qui vient là de dire un petit mot tout à l'heure, qui dit qu'apparemment, t'es nul en FPS. En FPS? Ah oui, oui. C'est quoi ça? En GRS aussi. J'ai son carnet de notes et Madame Bichon me l'a transmis. Écoutez, en GRS, il était nul. Écoutez, mes chers amis, on peut pas être bon dans tout. On peut pas avoir un beau skill sur Candy Crush et sur Rocket League. Voilà, non. Je suis désolé. Ah voilà, non. Je l'assume totalement. T'as choisi ton game. Exactement. Bon, je vais prendre ma news. Hein, allez, vas-y. Voilà. Hein, alors, je vais vous parler de cinéma. Parce que récemment. Toi, Dandy, t'as une news intéressante? Non, mais c'est. Ah, ouais, on le bouge là, sérieux. En plus, je vais parler de DC Comics en plus. Ah, bah, DC Comics. Oui, alors, ma news de DC. Les comics détectives. Vas-y. Je vais vous parler du panel Warner DC Comics. J'en ai rien à foutre. Vas-y, continue. Je crois qu'on se fout de ta gueule dans le public. Là. C'est pas grave, j'ai l'habitude, c'est l'habitude. Depuis. La diffusion de Suicide Squad, le trailer qui a émoussé nombreux fans. Ah, ça a émoussé carrément. Oui, c'est pas émoustillé, ouais. Ce que tu voulais dire. Ouais. Non, émoussé, c'est d'après pareil. Quoi. C'est... Moi j'aime bien quand il y a de la boue. Est-ce que quelqu'un émoussé. Aurait un dictionnaire? Est-ce que quelqu'un aurait la définition d'émoussé, s'il vous plaît? Alors, émoussé, bon, c'est quand une lame d'épée s'use. Voilà. C'est ça, c'est émoussé. D'accord. Alors attention, ils se sont tous émoussés les gens. Tu t'es émoussé la lame. Sur ma jolie feuille professionnelle, j'ai toute la liste des films qui vont sortir jusqu'à 2020. De chez DC. J'espère que vous avez du temps devant vous. Oui, c'est clair. Attention, attention. Non, on est en direct sur la bande FM jusqu'à 23h ce soir. Sortez vos agendas, vos bloc-notes. Agenda. Je sais pas. Alors, le 23 mars, on aura déjà Batman et Superman. Je pense que c'est l'un des films les plus on attendus. On peut en parler ou. On en parlera dès qu'on aura vu le film, je pense. Parce qu'on peut pas se fier sur trois bandes annonces. Okay. Ensuite, le 3 août, nous aurons Suicide Squad. Le 23 juin et le 17 novembre 2017, nous aurons Wonder Woman et Justice League. Ah, ça Wonder Woman, il y a Mélanie que ça motive ça. Wonder Woman avec Gal Gadot, donc celle qu'on a découverte dans Fast and Furious. Est-ce qu'elle a des gros seins? Mais elle a une belle armure, ça je peux te dire. Est-ce qu'elle a un short en Milky Way? Ouais. Mais écoute, tu verras ça. Il y a eu des images qui ont fuité là il y a quelques jours. Ensuite, en mars. Ça s'appelle The Fappening, est-ce qu'il paraît. Fortune, si tu veux. En mars 2018, on aura The Flash. Alors, le film? Ouais, le film. Eh ben putain. C'est trop. En juillet 2018, nous aurons Aquaman. Attends. Je pense qu'on peut relever juste la vanne de Kogu quand même. Qu'est-ce que t'as dit, c'était pas mal. Il a dit, c'est quoi? Attends. Un film sur un appareil photo. Tenir une heure et demie pour regarder un film sur un appareil photo, moi perso. Voilà. Ça merci de l'avoir souligné. Bon, alors on va passer au prochain film. En avril 2019, nous aurons Shazam. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est le super-héros qui reconnaît les musiques. Exactement. Ah, exactement. C'est le petit là, tu sais, qui se transforme en mec méga baraque. Et tu fais Shazam. Putain, ça me dit rien, Shazam. Mais mec, t'as pas eu d'enfance? Bah si, mais quand t'étais pas né, donc on n'a pas regardé les mêmes. Tu connais Albator, toi? Oui. Connard. Capitaine Flamme. Ensuite, pareil, en 2019, nous aurons la deuxième partie de Justice League. Et ensuite, en 2020, nous aurons Cyborg. Qu'est-ce que c'est? Ah bah, tu vas voir sur internet, tu vas te démerder. Hein, voilà. Encore non, un film avec Omar Sy dedans. Que c'est. Et ensuite, le dernier film de chez DC Comics à l'heure actuelle en 2020, ça sera Green Lantern Corps. Oh là là. Voilà. Donc, Marvel. Ah, il y a des contrôleurs du tram qui viennent de rentrer dans le bar. Donc voilà, donc d'ici 2020, il y aura pas mal de films super-héros avec Marvel, il Star a pas Wars, son billet. Voilà. Il fraude. Non, bon, c'est pas vrai. Du coup, parmi les films qui vous tentent, lequel Bah alors sinon moi ma news Non, sincèrement Wonder Woman, ouais. Parce que voilà, ça va me rappeler, je pense que Kogu, voilà, je pense que pour les plus vieux, voilà, on se rappelle tous de moi, la série des Moi j'avoue, 80. Je tourne encore sur moi-même en faisant ah ouais. Non mais la série était juste magnifique quoi. Moi je me change comme ça le matin. Est-ce que ça sera aussi ringard? Est-ce qu'elle tournera comme ça? Je pense pas. Ouais, je pense ça pas. M'étonnerait. Avec l'explosion là. Moi je dis ils sont ça. Obligés au moins de le faire une fois, ne serait-ce que pour voilà. En hommage quoi. C'est ça. Alors qu'il y a de la friture sur la ligne. Ah non, c'est de l'eau qui coule. Madame est au cabinet. Fait un gros pipi hein. On peut faire croire ce qu'on veut à la radio, c'est ça qui est bien. Le style caca. Puis personne nous voit de toute façon. Moi de mon côté, on a perdu deux follows. Ce serait plus Suicide Squad en fait. Ouais. Ouais, bah déjà par rapport à Batman versus Superman, tu dis qu'on peut pas juger par rapport à des bandes annonces. Moi je te réponds que si. À partir de là, qu'est-ce que t'as à répondre? Quel argument de ouf. Comment est c'est fou, hein. De la part d'un mec qui fait Man of Steel. Allez, dire qu'on ça, peut allez pas ça y est, ça revient, non, ça revient. Excuse-moi. Mais moi Man of Steel j'aime bien. Non non mais attends, parce que il y a quelque chose que tu sais pas, c'est que c'est une guerre un peu sans fin qu'on a avec le Steel. À chaque fois soit c'est Man of Steel soit c'est Transformers Dévastation. Dernièrement le mec est venu chez moi remater Man of Steel sur un projecteur. Je te signale que ta nana a voulu le voir aussi. Et ce qui s'est passé, c'est que à la fin. Bon, on va vous laisser. Stick, je cite, a dit, putain, mais c'est de la merde. Non, non, quoi, non. Toi, tu l'avoues non, pas. Non, quoi. Non, je sens que le stream va durer 3h30, mais j'ai juste dit qu'il est bien, mais il a des défauts au niveau. Il bon, est bien. Oh, la mauvaise foi. Pourri, quoi. Il est bien, mais il a des défauts au niveau de l'animation dans les combats. C'est tout. Et après, je trouve que c'est une propagande niveau religieux. Mais c'est un film qu'il faut appréhender un peu comme un goustique, c'est-à-dire qu'on l'aime avec ses défauts. C'est ça. Voilà. Et juste un big up s'il nous écoute. Comment il s'appelle l'acteur qui joue Man of Steel? Henri Cavill. Henri Cavill, s'il nous écoute, faut qu'il lève le pied sur les pecs, hein, parce que c'est un truc de ouf, on dirait des platines vinyles. C'est Superman. Le mec, c'est Superman, attends. T'as vu les pecs qu'il a, le mec? On dirait tous les matins, tous les matins, quand je me lève. Regarde dans le miroir, j'ai les mêmes. Ah ouais, non, c'est trop, c'est comme Chris Evans, quoi. Les mecs, ils portent des soutiens-gorge. On comprend pourquoi tu portes des lunettes. Eh oui. Oh. Ça y est, ça commence ça à tailler physique là. On est mal barré. Allez, il nous reste 10 minutes avant qu'on s'écoute. On s'écoute quoi? On s'écoute David Hasselhoff, tiens, avec True Survivor. Oh là là. Eh bah ouais. Bon, c'est normal quoi. Bravo, bravo. Alors, ça, c'est... qui c'est qui vient de dire ça? Yes, joli. Ça c'est de la musique. Elle était pas née dans les années 80 et elle kiffe le son des années 80. Mais c'est ça qui est ça bon. C'est la classe. C'est ça qui est bon. Vous passez à côté de Kenji, j'hésitais avec Kenji. Bon moustique. T'as bien fait, t'as bien fait. On va pas déranger. Parce que là, ça partait à la castagne après. Allez, vas-y, Dandy, enchaîne. Ouais, parce que j'allais dire, si je vous emmerde, je peux me barrer. Hein. Oh là là, regardez-le, lui, ça y est. Oh là là là. Maintenant, tu le dis. On va arrêter de gueuler. Parce que je vais parler un petit peu du meltdown ce soir. Oh là là, mon dieu. Un petit peu. Ça y est, il fait de la lèche, il commence. Vas-y. Non, mais il est au chômage en ce moment. Le mec, il s'est dit, j'ai pas de news, je vais regarder l'écran. Je fais, ah, tiens, il y a des acteurs. Alors, on va faire un super cocktail lundi. Jus de goyave, framboise, jus de citron et vodka. Alors, c'est le. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Alors moi je vais vous parler par contre donc de quelque chose qui ressemble un peu au Meltdown mais qui est pas un bar, qui est un hôtel. Ça s'appelle Meltdown. C'est juste en face. Allez, on y va. Qui s'appelle The Arcade Hotel, c'est à Amsterdam. Oh. Et il propose des chambres équipées en console et des jeux rétro aussi également. Tout ça en libre accès. Alors pareil, dans le hall de l'hôtel, il y a possibilité de pouvoir donc jouer et on peut même demander. Alors j'ai dit qu'il y avait pas de bar, excusez-moi, il y en a un. Et vous pouvez y demander au lieu de demander des consos. Des consoles portables. Donc ils filent des consoles portables. Et aussi pour. C'est-à-dire que tu prends ton ticket, t'as une entrée, une console. Voilà. Au final, tu viens de dire que t'allais faire une news sur le meltdown. Et en fait, tu. En rapport avec le meltdown. Et sinon, je t'en prie. Allez, il y a voilà. Une bibliothèque de comics aussi pour mon cher Goustic. Ah, ça m'intéresse. À disposition. Ça. Donc, en gros, c'est un petit peu l'hôtel du geek, si tu veux. Yes. Et c'est Amsterdam. C'est combien la nuit? C'est combien? Alors là, j'ai pas eu l'info. Bon, ok. Journalisme de qualité, quoi. On va être obligé d'y aller en immersiel. Alors que quand on a fait l'émission exprès sur le quartier chaud d'Amsterdam, il avait les tarifs. Ah voilà. Bon, j'avoue. J'avoue. C'est pas la même aussi, hein. Yes, bon allez, moi j'enchaîne, tiens, je vais vous parler de Tortue Ninja. Ah oui, ouais. Alors, Platinum Games. J'en étais sûr que t'allais en parler. Eh ouais, Platinum. Moi je pensais Game. Que c'était Goustic alors. C'était parler. Lui ou bah à la base c'était lui, mais j'ai piqué sa news, du coup moi j'étais boss et j'ai bossé là moi. Donc j'ai pas eu le temps. Mais oui, du coup Platinum Games qui nous ont sorti récemment le Transformers, je sais pas si quelques-uns d'entre vous l'ont essayé. Mais qui était pas si mal. Dévastation. Alors oui, qui a un peu divisé. Non, non, mais n'en parlons pas. Bah moi j'ai bien aimé, graphiquement et tout, ça m'a fait kiffer. Et là, il se cache. Et là, du coup, on est parti un peu dans le même esprit avec les Tortues Ninja. Donc, ça peut être cool. Moi, c'est une licence que j'aime bien. Mais ça a l'air sympa. Mais oui, carrément... mais là, il est beau, ça se voit, il est bien, ça se voit. Tu gnan, vois. Gnan. Et donc. Non, mais c'est la différence, c'est la qualité, en fait, juste. Oh, le mec parle du jeu. Pour gueuler, quoi. Le mec parle du jeu, il y a même pas joué. C'est parce qu'il a sa vue professionnelle de ce jeu. Tu verras plus tard. De ce division, il était très beau et aujourd'hui, il a perdu un petit peu. Il a l'air génial, c'est ça que je veux dire. Oui, mais oui, c'est trois images. Est-ce qu'on a enfin l'info à savoir s'il va être jouable en multiplayer? Mais non, et donc ça c'est le gros truc qu'on veut savoir nous, c'est il y a 4 tortues, est-ce qu'il sera jouable en multi, on l'espère, bah, c'est les cool. Rumeurs. On verra bien. En tout cas ce qui était drôle c'est que le Platinum Game a communiqué, en fait ils ont eu une fuite, donc un leak sur le net, et là ils ont annoncé hier qu'aujourd'hui il y aurait une fuite officielle en fait. Ils ont pris un peu le délire. Donc voilà, c'est pas mal. Il n'y a pas de date pour l'instant, mais moi je l'attends. De toute façon, on en parlera dans l'émission comme d'hab. Si, il sort demain. Ah, okay, non, carrément. Il sort l'été prochain. Ah donc oui, non, oui, il y a Summer. Peut-être en même temps que le film. Donc, Summer, il sort. Il sort en Summer. Quand tu dis prochain, c'est 2016 ou 2017? 2016. Non, cet été. Ouais. Yes, et eh ben qui veut? Et moi je veux. Non, mon temps, vas-y. Allez, vas-y. Bon, je vais vous parler d'un jeu encore et vous allez encore vous foutre de ma gueule. Vous avez vu le mec persécuté d'ores et déjà, j'ai... Le mec, il est en direct tous les mardis à la radio. T'as, vous t'as avez pris vu un les lanceurs avant de venir, t'as tout le temps Benjamin Biolay du jeu vidéo, quoi. C'est... Depuis qu'Aude de Radio a changé de fournisseur de coke, je te reconnais plus. C'est fou. Je vais vous parler de Pokémon. Ah bah allez, je me casse. Forcément. Et bah moi, je m'en vais en immersion à l'autre bout du bar. Voilà, comme ça. Mais c'est pas n'importe quel jeu Pokémon. Attention, en fait. Je suis en duplex avec l'Infernal. Bon, je savais que j'allais même pas pouvoir la placer de toute façon. Mais si, vas-y, on t'écoute. Mais t'es où? Derrière ton poteau là-bas. Pendu à tes lèvres. Donc en fait, c'est un jeu Pokémon qui sortira sur l'eShop le 3 février prochain. Et c'est un jeu Pokémon. Ah, il y a un tournoi Hearthstone mercredi. Va te faire foutre. Pardon, désolé. Excuse-moi, pardon. C'est un jeu Pokémon. Ah, les boules, hein, les boules un peu quand même. Ouais. Hein. Voilà, et ben regarde. Allez. L'Infernal, tu devrais revenir parce que je crois qu'il y a un problème avec... Il y a le Slender. Que se passe-t-il? Moi, j'ai tout vu, patron. Je peux vous dire qui c'est qui a fait quoi. Non, du coup, ce sera un jeu Pokémon un peu particulier parce que déjà, dedans, Pikachu parle. Mais il parle pas avec une voix de fillette, il parle avec la voix de Kogu, quoi, tu vois. Et au-delà de ça, bonjour, a priori, c'est un Pikachu couillu. Il sera habillé en Sherlock Holmes et c'est un jeu de détective avec Pikachu dedans. D'accord. Voilà, qu'est-ce que tu dis de ça, maintenant? Bah je dis qu'ils sont peut-être en train de recycler du Professeur Layton. Professeur Layton version Pokémon. Mais non, que dalle, c'est Pikachu. Oui, mais version Pokémon. C'est-à-dire c'est Bulbizarre qui a tué Salamèche dans le salon. Je comprends pas bien. Du simple fait que je crois qu'il y a Pikachu, il y a que Pikachu dedans en fait déjà. D'accord. Et il parle. Du coup, et effectivement, mais il parle à haute voix. Moi, j'y crois pas une seconde. Juste pour il faire galérer. Qui, il parle à haute voix avec la voix de Kogu. Il a une voix de mec en plus, le machin. Mais Pikachu. Mais oui, Pikachu. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a mué, quoi. Je sais pas. Il est devenu. Non, il est un petit peu habillé comme toi. Je suis en train de percuter là, tu vois. Et quand je lance des éclairs, mon pote, c'est pas beau. Quoi. Petit Pikachu. Ah bah oui. Et c'est tout? Mais oui, c'est tout. Ça sort quel escroc celui-là! Ça sort le 3 février prochain sur le Nintendo eShop et ce sera un jeu spécialement pour la 3DS. Yes! Et bah écoute. Allez, qui veut qu'enchaîne? Il reste. Bah j'enchaîne. Allez, je vais vous parler de zombies, de putréfaction, de The Walking Dead. Alors, plus particulièrement du jeu Overkill's The Walking Dead qui était prévu donc pour 2016 et qui malheureusement pour nous et pour tout fan de zombies qui a été reporté. On l'a trouvé en lieu de le bouger. Touche. Ça c'est à cause des documentaires. Oui, c'est ça, c'est les documentaires. Il a été reporté dans un an et demi, donc mi-2017. Ah putain, je vais y arriver. Mi-2017. Mi-2017. Il sort en mi-2017. T'as l'air un peu stressé quand même. Non, du tout. Alors, apparemment, les raisons de ce report, c'est pour un ajout de contenu supplémentaire, parce que ça manque un peu de contenu encore à l'heure actuelle. Et c'est aussi pour peaufiner la version asiatique, qui est un petit peu à la bourre par rapport à la version occidentale. Et alors, ils nous ont sorti que ça serait la clé du succès, et ça leur permettrait de maximiser les revenus, que ce soit une sortie simultanée. Donc voilà, en gros, c'est pour nous rajouter du contenu, mais c'est aussi pour gagner mieux d'argent. Ouais, bah oui, voilà. Toujours... Exactement. Bon, après, je t'avoue que quand tu regardes le jeu Walking Dead qui était sorti il y a 2 ans, je crois. Il y a un jeu qui était sorti. Lequel, de ou Non. Le FPS. Il était vraiment pas bon. C'était un bon nanar. Il était vraiment pas bon. Tu sens que c'était de l'exploitation de licence. Et honnêtement, si c'était pour faire le même truc, je préfère effectivement qu'il repousse un peu. Quitte, on attend, mais au moins que ce soit quelque chose qui soit mieux que cette bouse qu'on a eue il y a 2 ans. Carrément. Donc bon, voilà. Tu sais de quel éditeur c'est, là? Pour l'instant, alors attends, c'est ceux qui ont fait Transformers Dévastation aussi. Overkill, oui, c'est ça. C'est quoi? C'est vraiment c'est eux. C'est ceux qui ont fait ça. Non, je sais plus. Pour troller, en tout cas, c'était repoussé. Hein. Non, donc, voilà, ouais. Parce que le dernier jeu Walking Dead, s'il était pourri, c'est parce que c'était Activision qui était derrière. Ouais. Ah ouais. Et que tout simplement, les mecs, voilà, ils en avaient juste rien à foutre de la licence, quoi. Ils ont pris à peu près les têtes des acteurs sur des modèles 3D. Oui, à peu près. Ouais. Et après, c'était un Left 4 Dead, mais le fun en moins, en fait. Ouais, non, mais voilà. Même, enfin, le fait de jouer tout seul. Graphiquement, c'était pas top. Jouer tout seul, graphiquement, c'était vraiment pas top. Et ouais, le gameplay était un peu ledge. Ah, c'est clair, hein, c'est clair. Ah. Oui, yes. Allez, qui c'est qu'enchaîne? Bah, Goustic. Allez, Goustic. Alors, allez, mon copain. News très rapide, juste pour vous prévenir qu'il y aura un pack PS4 1 Tera avec Far Cry Primal. Ah. Au prix, normalement, de 429€ seulement. Voilà. 429 429€, ouais. Avec un pack contenant quoi? Avec Far Cry Primal. Ah, le pack Far Cry Primal. Ouais. D'accord, ok. Tiens, est-ce qu'il y en a là que ça intéresse Far Cry Primal dans l'idée? Ouais, John, ouais. Raptou, on en a 3. Régis. Mais Raptou, le truc, c'est que lui, il kiffe la peau de bête aussi. Il kiffe la peau de bête, il se dit, je vais courir à poil dans un jeu vidéo, mon pote. Là, le berlingot à l'air. Okay. Moi, perso, il m'a dit que c'était pour faire la mangouste qu'il y a dedans, en fait. Bon, qu'est-ce que t'attends de ce jeu un peu? Des dinosaures. Qui soit. Il y a que des mammouths. Un peu mieux que le 4. Ah, t'as pas aimé Far Cry 4? J'ai bien aimé, mais ça manquait. Enfin, j'ai préféré le 3. Le 4, un peu trop ultra répétitif. Ça sentait trop le curry, c'est ce qu'il est en train de dire. Un peu comme toutes les licences plus ou moins Ubisoft. Hein, ça... Oula! Oula! Oula! Ça commence à tailler. Oula. Tu sais pas ce que tu fais, toi. Voilà. C'est attention, il y a Michel Ancel derrière. Et Montréal aussi, c'est pas. Non, c'est voilà un truc un peu plus. Après, Primal, je sais pas, moi, quand j'étais gosse, j'adorais les hommes de. Balader à poil. Les hommes de Cro-Magnon, les dinos, peut-être qu'il y a cet esprit-là. Voilà, on verra. Hein. Alors après, j'ai peur qu'il y ait une uchronie là, parce que les dinosaures et les hommes des. Ouais. Non, c'est les dinosaures, il y en aura pas. Mais non, mais sans déconner, moi, c'est un jeu que j'attends comme un dingue. Je sais pas, ça peut être cool quoi. Des cailloux, des petits bâtons, des trucs. Oui, terrible, alors ça. Le contexte peut être sympa, mais moi c'est ce que je te disais aussi la dernière fois. Le problème, c'est que j'ai pas envie qu'on se retrouve encore avec un gameplay à la Far Cry 3 et Far Cry 4. Ben, malheureusement, que si. J'ai l'impression que c'est ça. Donc non, au final, ils vont quand même différencier parce que cette fois-ci, on va pouvoir incarner également les animaux. Ah oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va pouvoir être un hibou, on va pouvoir être un ours, un loup. Mais ça va changer en termes de gameplay. Je suis le seul qui n'ait pas envie du tout d'incarner un homme de Cro-Magnon, quoi. Mais moi, j'ai trop envie. Moi, pas plus que ça. Qu'est-ce que ça change? Parce que t'es le seul à en être un vraiment tous les jours. Mais non, mais c'est l'univers qui nous intéresse dans un jeu vidéo. Mais ouais, c'est mais l'univers, de on va être dans la savane, pas dans la savane, mais dans façon, la nature. J'ai même pas compris parce qu'on dirait même pas que les humains qui sont dans ce jeu soient des hommes de la préhistoire en fait. Non, on va dire que c'est un peu plus évolué. C'est pas le Néandertal de base, c'est. On dirait le mec qui est chargé de com chez Ubisoft. Ouais. Un peu. Avec mes petites lunettes, tu vois. Non, mais par contre, truc, je sais pas si vous êtes au courant, ils ont créé apparemment pour ce jeu-là une langue spécifique. Oui, il y a trois langues. Ouais, une vraie langue. Donc voilà, c'est le truc un peu space, tu te dis, dans le jeu vidéo. Du coup, quand t'arrives chez Ubisoft, ils parlent tous WakaTP. WakaTP, pardon. J'ai fait un entretien d'embauche chez Ubi, j'ai rien compris. Mais qui puis me jetait des cailloux, je comprenais pas. Mais en fait, ça voulait dire que t'étais pris. Bon bref, allez, on va s'écouter le Scud. Si vous êtes chaud. Moi, je suis chaud. Allez, on est toujours en direct du Meltdown. Et ça, ça fait plaisir. Ils sont 5000. Et ouais, ils sont exactement 5000. Et on verra combien ils seront quand on aura eu le prompt renfort. Allez, les 19h30, vous écoutez toujours La Voix du Geek sur Ode Radio et nous revient juste après David Asseloff et Trousson Vivor. Hey. Vous écoutez Ode Radio, sur 4.3. Allez, on est de retour, toujours en direct, toujours au Meltdown. Est-ce qu'il y a du monde un peu? Alors, tout le monde est installé, c'est bon, tout le monde est prête. Moustique, il prend un peu trop de place quand même. Mais comme d'habitude, j'ai envie de mettre la cantina derrière. Et je vous ai préparé un petit quiz un peu spécial. Oula. Voilà, comme ça on est bien. Alors, j'ai des petites questions. Alors, tout le monde peut jouer. Hein. Tout le monde peut jouer. J'ai des petites questions, je me dirige par là, tiens. Alors, j'ai des petites questions et en fait vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, toutes les questions que vous voulez. Il va falloir que vous retrouviez la personne ou l'objet La mer noire, voilà, c'est la mer noire. Alors, Kogou, il y a un gros souci avec ton micro, on t'entend pas du tout. À part que tu gueules. Bon, comme ça. Est-ce que tu l'as pas éteint? Je ne parle pas là. Voilà, en fait, tu l'as éteint. Ben non. Donc, dans l'idée, eh ben, c'est parti. Donc, là, c'est axé sur le cinéma. Donc, cinéma un peu geek. Donc, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Alors, il avait toujours un pistolet cloueur sur le tournage. De qui on parle? Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Pistolet. Quel est le nom de la personne qu'on cherche? Ouais, c'est ça. De c'est qui on parle? C'est la question que je pose. Ah oui, mais non. Ah. Kogou, il avait, il a toujours, enfin, il avait toujours un pistolet cloueur sur le tournage. Est-ce que c'était un technicien? Attends, faut qu'on t'entende. Est-ce que c'était un policier? Alors, non, c'était pas un policier. Est-ce que c'était un acteur? Non, c'est pas un acteur. Il est technicien sur le tournage? De quoi? Il est technicien sur le tournage? Il est un peu technicien sur le tournage. Est-ce voilà. qu'il est connu? Très il connu. Est très connu. Ouais, donc ça peut pas être Michael Jackson. C'est pas Michael Jackson. C'est la Reine des Neiges. Ah non, ça y est. Delphine. C'est Marilyn Manson. C'est pas Marilyn Manson. C'est Frankie. C'est pas Frankie. Attends, il a toujours un pistolet à clous sur lui, Frankie. C'est Jared Leto. Ah, non, ah, avant qu'il soit bouffé par Valérie D'Amido, il avait toujours son pistolet à clous sur lui, Frankie. Bonjour, c'est Valérie. Bon, y a plus d'émission, j'ai tout mangé, Frankie. Alors, bah, je vous écoute. Il portait toujours un pistolet cloueur sur le tournage. Est-ce qu'on le voit dans les films? Est-ce qu'il est encore vivant? Il est encore vivant, il est très connu. Est-ce qu'il apparaît dans les films? Il apparaît pas dans les films. Il est français? Il est pas français. Est-ce que il est américain? Il est américain, mais faut le dire avec l'accent du Wisconsin. Est-ce que c'est une saga? American. Est-ce que c'est une saga ou une trilogie? Oui. Okay. C'était quoi la question? Alors, c'est Gigi Abrams. C'est pas Gigi Abrams, mais ça chauffe. Attends, Tagazu. Non, j'étais là. Est-ce que c'est une trilogie avec des Wookiees dedans? Non. C'est pas ça. Est-ce que c'est Fred et Jamie? C'est pas Fred et Jamie. On parle de cinéma. Toutes les questions sont sur le cinéma. Il a une moustache. Il a pas de moustache. Il est chauve? Il est pas chauve. Est-ce j'ai l'impression que je vois qui est-ce, quoi. Je peux pas tourner dans chaque film américain, non. Et c'est pas le général, comment il s'appelle, le colonel Moutarde à l'ancienne dans la cuisine. Est-ce qu'il a plus de 40 ans? Il a plus de 40 ans. C'est quelqu'un d'hyper connu. Est-ce qu'il connaît Megan Fox? Sûrement, oui. Je crois qu'il l'a pécho. Ah, attends, il y a une bonne question. À quoi pouvait bien lui servir ce pistolet à clous? Bah, je peux pas te le dire. Ah bah, et non. Bah, est-ce qu'il est connu pour son utilisation, justement, de ce pistolet à clous? Non. Mais vous chauffiez ta... Abrams, donc George Lucas. C'est pas George Lucas. Peter Jackson. C'est pas Peter Harrison Jackson. Ford. Tarantino. On cherche quelqu'un qui se promenait sur les tournages de ses films avec un pistolet cloueur. Spielberg? C'est pas Spielberg. Allez. C'est pas Tarantino. Non. Il a réalisé des films hyper connus à gros Tarantino. Budget. Tarantino? C'est pas Tarantino. Le mec qui pète un plomb, c'est mais Tarantino. Bordel, je te dis c'est Tarantino. Je suis désolé, j'ai vu la news, c'est Tarantino. Tu t'es trompé. C'est pas Luc Besson, on a dit tout à l'heure, c'est un Américain. Ah. Luc Besson est pas Américain. Ben si, c'est Luc Besson. Luc Besson. Attends, c'est pas Michael Bay. C'est pas Michael Bay, mais ça chauffe. C'est pas Roland Emmerich. Avec Michael Bay, ça chauffe souvent. Méritait presque un tututu. Hans Zimmer. C'est celui. C'est pas Hans Zimmer. Celui-là. Non, Alzheimer. Je vais tous les faire. Faut que t'appuies un coup sec en fait. Un coup sec. Oui, mais on n'entend pas. Et parce que. Voilà, bon, on l'a perdu, il est définitivement complètement con. Voilà, plus t'appuies fort, plus c'est fort. Vois, là c'est bien tombé. C'est la vanasse en plus. Joli. C'est ça. Alors on cherche toujours quelqu'un qui se promenait sur les tournages. Alors je vais un indice, il se promenait sur les tournages de ses films. Avec un pistolet cloueur. Oh shit, Charles. Woody Allen. Non. C'est pas Sam Raimi. C'est pas Ridley Scott. Tony Scott. C'est. Bill Scott. C'est les frères Scott. Alors il est en train. Il travaille sur un film qui a été repoussé récemment. George Miller. C'est pas George Miller. Ah, mais non, mais. Putain, c'est vrai, il est américain. Oh, il est américain. Frank Miller. C'est pas Frank. James Cameron. C'est James Cameron. On peut applaudir Goustic. Bravo. Il a gagné quoi? Eh bien oui, en fait, c'est James Cameron. Sur le tournage d'Avatar, il se promenait avec un pistolet cloueur pour clouer tous les téléphones portables qui sonnaient pendant le tournage. parce qu'il en avait plein le cul, parce qu'il tournait quand même. Avatar, c'est que des money shots, hein. C'est que des plans qui coûtent des millions de dollars. Avec du fond vert. Que se passe-t-il? Ah, je suis devant, devant l'image, oui. C'est ça. De toute façon, le stream, le son est mort, donc. C'est-à-dire que si t'es sur Pandora et que ton téléphone il sonne. Et ben en fait, il est cloué au mur. D'accord. Et là, les mecs, ils sont bleus. Ouais. Et ouais. Oh, donc, qui c'est qui a trouvé? C'est Goustic. Qui c'est qui a, c'est Goustic qui a trouvé. Ouais. Alors. Mais t'as rien gagné, Goustic, je suis désolé. Alors, tout à l'heure, tu reprends ma vanasse. Là, j'ai fait un truc fin, tu le relèves pas. Mais j'ai pas entendu. Voilà, t'as pas compris. Ils sont bleus. Lapin compris. Non, lapin compris. Allez, on s'en fait un autre. Allez, go. Il avait des sardines. Alors, tout ça, c'est en rapport avec le cinéma. Patrick Sébastien. Depardieu. C'est ça. Ça pourrait presque. Faut pas que je me mette trop près de l'enceinte. Il avait des sardines dans ses poches. Mais pourquoi? Français? Non. Tout de suite, français. Alors, quoi. Ça, c'est un belge. J'aurais dit Luc Besson, quoi. C'est pas un réalisateur. Acteur? C'est un acteur. Ah, attends, on tient peut-être un truc, Greg. Est-ce que c'est l'acteur de Flipper le Dauphin? C'est pas l'acteur de Flipper le Dauphin. Et c'est pas Flipper non plus. Est-ce que c'est l'acteur qui jouait Flipper le Dauphin? C'est Sauvé Willy. C'est pas Sauvé Willy, mais on chauffe. Le Grand Bleu? C'est pas le Grand Bleu, ça aurait pu. Les Dents de la Mer. On cherche un acteur. David Hasselhoff. En fait, il avait pas des sardines, il avait des thons. Voilà, c'est. David Hasselhoff. C'est pas David Hasselhoff. C'est pas les Dents de la Mer. On cherche un acteur. Attends, il est toujours vivant. Il est toujours vivant. Ah, on est en train de chauffer du côté de John. C'est pas la marche de l'empereur. En plus, la marche de l'empereur, ce n'est pas un acteur. Alors, est-ce que c'est l'empereur? C'est pas une voix off. Pingu. C'est pas Pingu, mais on chauffe. Je suis sûr que Goustic, tu l'as en plus. Ouais, non, il avait des sardines dans ses poches. Comme toi, Goustic. Non, moi j'ai des tons. C'est pas pareil. Ouais, c'est ça. Oh bordel. Le Capitaine Igloo. Ah, une question intéressante. Le pingouin dans Batman, ouais. Non, c'est non, ça. Non, attendez, exact. On a une question intéressante. Exact. Est-ce qu'il joue dans Batman? Il joue dans Batman. Danny DeVito. C'est ça. Non. Oh. Et attention, parce que ta réponse, Greg, elle est un peu à double tranchant, tu vois. Parce que dans l'idée, oui, il joue dans Batman, l'acteur. Haha. Mais y a plus. Ouais, mais c'est pas celui qui fait le pingouin. Et non. C'est pas Jack Nicholson, quoi. C'est pas Jack Nicholson. Alfred. C'est pas Michael Keaton. Julien Lepers, alors. C'est pas Julien Lepers, non plus. C'est son embrasse. Qui s'est fait lourder, le pauvre. Alfred. C'est pas Alfred. Gordon. Je viens de l'entendre. Je vous roule les pistes comme ça. Wouhou. Je viens de l'entendre. Alors? Ah bah, je vous dis pas. Sur Batman. Ah attention. La doyenne du rat vient de trouver la question. De trouver la réponse. Comment tu t'intitules? Je n'ai pas de nom. Tu n'as pas de nom. Bon, on va t'appeler Michel aussi. Michel, c'est fait pour toi. Vas-y, retourne-toi. Bah, c'est pas Michel. C'est fait pour elle. J'ai pas connu Michel. Non, j'ai pas connu Michel. C'est Jim Carrey. Exactement, c'est Jim Carrey sur le tournage de Monsieur. Oui. On peut l'applaudir, on peut applaudir Michel. Et ouais, c'est Jim Carrey sur le tournage de Monsieur Popper et les pingouins. Mais oui, et en fait, les pingouins, c'est des vrais. Il fallait bien qu'ils le suivent, le mec. Ah ben oui. Donc il avait des sardines dans ses poches toute la journée. Eh mais elles sont bien ficelées, tes questions. Eh mais il bosse, le mec. Mais t'as fait boulot. C'est un truc de ouf, c'est parce que je bosse. Oh, c'est pas possible, alors, le... Exactement, et donc il jouait Edward Nigma dans Batman Forever, qui est mon Batman préféré. Oui, c'est la honte. Je l'adore. Bref. Ah, mais dis donc, putain. Ah, si, tiens, question intéressante. Cinéma aussi. Il ne cligne jamais des yeux. Rambo. Non. Clint Eastwood. Ça chauffe déjà. Ça chauffe mais déjà. Oui, mais c'est. Attendez. Rocky. Yacelia. J'ai dit Stallone. C'est pas Stallone. Schwarzenegger. Joli. Ouais. Et maintenant, alors on a un indice déjà. C'est Schwarzenegger. Il ne cligne jamais des yeux. Joli. Mais j'ai pas eu le temps. Terminator. Joli. Carrément. Calme-toi. On peut l'applaudir. Joli, applaudissez-le. En fait, Schwarzenegger a décidé sur tous les plans où on le voit de jamais cligner des yeux parce qu'il s'est dit j'incarne un robot ça cligne pas des yeux. Donc dans tous les Terminators, à aucun moment il cligne des yeux. Il y a jamais personne qui s'est dit putain il cligne jamais des yeux ce mec il est chelou. Bah si moi. Okay. Quand j'ai écrit le truc. Non alors en fait ce qu'il faut savoir c'est que derrière il y avait des mecs avec des gouttes qui devaient lui mettre tu vois parce que. Et ouais ça sèche un peu. Ouais tu m'étonnes. Yes et eh ben franchement chapeau. Allez on en a d'autres. celle-là, je crois que Dandy a la réponse. Et peut-être Goustic, parce qu'on en a parlé. Parce que les deux autres, ils sont trop cons, de toute façon. Hein, c'est ça. Non, non, mais parce qu'on j'approuve, en a parlé j'approuve. En préparant l'émission. D'accord. Ah bon. Il s'agit d'un sacrifice. On cherche un film. Il s'agit d'un sacrifice pour un objectif militaire. Ah oui. Allez, je peux partir là-dessus. Full Metal Jacket. Cube. C'est pas ça. Cube. C'est pas Cube. Non, non, c'est non, pas non, Independence non. Day. Ah oui, non, je dis rien. Deer Hunter. C'est pas ça. Le titre du film... The Sacrifice. C'est en fait le nom du titre. The Sacrifice for the Army. C'est ça. The Sacrifice for Objective Military. C'est pas avec Tom Cruise. Putain, je suis incapable de m'en souvenir. Récent. C'est assez récent. Le titre de ce film veut dire en français, en fait, en français, il n'y a pas vraiment de traduction. Ah oui, ça, mais ça vrai. Veut dire un sacrifice pour un objectif ah, militaire. Ah, mais si Oui, vous en parlez... Ah bah si là. Vous avez la réponse, ne dites pas. Non mais tu nous l'as dit avec Ogo. C'est pas le truc où le mec il a un espèce de bandeau rouge sur la gueule, sur l'affiche avec une étoile. Non, non. Là il confond le jeu non, vidéo en front. Mais trop pas. Mais si. Mais trop pas. Ouais j'avoue c'était de ça que je parlais. Si, c'est sûr. Quel escroc celui-là. Alors. Allez je vous donne un indice, c'est un film d'action. Bah il y a plein des films d'action. Putain. Ah. Les Expandables. Exactement, je peux applaudir Ricky. C'est ça, exact. On peut l'applaudir un peu plus fort. Applaudissez-moi quand même. Bougez-vous le cul, merde. Ouais. Et ouais, en fait, Expandable, c'est ça, c'est sacrifiable en fait. C'est sacrifier quelque chose pour un objectif militaire. Allez, Goustic, salut. Mais je le savais. Je le savais. Les Belges vont vous sacrifier. Alors, quelle heure il est? On a le temps, on a le temps d'en faire encore. Il a demandé. Un caméo de R2-D2. De qui on parle? Dans un film Star Wars? Le mec qui fait Skyfall. C'est pas dans un film Star Wars. C'est un réalisateur. Spielberg. C'est pas Luc Besson. Non, le mec qui fait les Avengers et tout. Josh Whedon, c'est pas Josh Whedon. Audiard. Non, l'autre. Audiard, ouais. Attention. Ah, qui voulait la question? Vous répétez la question? Bon, ça, tous ceux qui ont plus de 20 ans et qui comprennent pas la vanne, en fait. En fait, dans le on n'a pas entendu, il y a on n'écoutait pas. En fait. il a demandé un caméo de R2-D2. Ah ouais. C'est pas Sam Mendes. Sam Raimi. Sam ouais, Fisher. C'est pas Sam Raimi, c'est pas oh, Sam Fisher. C'est pas Sam la petite tortue. Samuel L. Jackson. C'est pas Samuel L. Ah, je viens de l'entendre. Attends, tu vas nous le dire au micro. J.J. Abrams. Et eh bien, c'est la bonne réponse. La classe. On peut l'applaudir. C'est pas ça. Et en fait, le plus surprenant, maintenant qu'on sait qui c'est, ça va nous aider un peu à savoir. Il a demandé un caméo de R2-D2. Un caméo, c'est une apparition. Apparition. L'apparition d'un... Il y en a plein. Tu regardes plein de films de super-héros, il y en a tout le temps plein des caméos. T'as jamais regardé Dragon Ball Z? Ils en font plein des caméos-méos dedans. Des caméos-méos. Oh là là. Joli. Ouais. C'est bon, tu sais comment ça marche, on a compris. Alors allez, maintenant, bon. Maintenant qu'on sait qui c'est, qu'on connaît un peu son travail pour la plupart peut-être, il a demandé un caméo de R2-D2. Mais dans quoi? Et dans quoi? Super 8? Dans Star Trek. C'est pas dans Super 8. Attends, c'est qui de qui on parle? J'ai entendu la bonne réponse. Star Trek. C'est Kogo qui a la bonne réponse, c'est Star Trek, on peut l'applaudir. Merci. Joli. Et pourquoi ils l'ont pas fait? Qui est Star Trek? À un moment, il y a une bataille galactique et il y a une espèce de vaisseau qui vide ses déchets. Et dans les déchets, il y a R2-D2 qui flotte dans l'espace. C'est horrible comme caméo. Ouais, mais carrément. Les enfoirés, quoi. Carrément. C'était Wally au départ qui était, qui devait le faire et il a hyper mal pris. Voilà. Il a dit oh. C'était ça le truc. Il fait vachement bien. T'as vu? Allez, on s'en fait une petite dernière qui risque d'être assez facile. Il a joué dans les 6 films. Tarantino. Ah. Non. Il en est à son 8ème. C'est pas Bruce Willis. Bruce Lee. C'est pas Yoda. C'est pas Bruce Lee. Christopher Lee. Bruce Crockett. C'est pas Christopher Lee. Stan Lee. On va faire ouais, c'est une question qui est un petit peu trop. Mais oui, c'est Star Wars. C'est dans Star Wars. Il a joué dans les 6 films. Ah bah c'est. 6 PO. C'est 3 PO. Il faut l'acteur. Ah, l'acteur. Le mec dans ces 3 PO. Joli, on a la bonne réponse. Oh là, on a la bonne réponse. Anthony Daniels. Eh ben c'est ça, c'est Anthony Daniels. On peut l'applaudir. Joli. Tu remportes une tringle à rideau. Quelle heure il est? Bon, il nous reste un petit peu de temps. Moi, j'avais envie de faire quelque chose avant qu'on s'écoute le disque là de 20h. Là, dans le sac, j'ai des trucs à vous faire gagner. Par exemple, j'ai un superbe t-shirt de taille L. En fait... Ah, ça tombe bien, c'est ma taille. Est-ce que quelqu'un est motivé à jouer? Là, on fait un petit jeu. Toi, t'es chaud? T'as juste à parier. Alors... Alors, tu vas choisir. Ah, tu vas choisir. On a deux personnes qui sont chauds derrière. Ah, et eh ben si chaud. Tu veux. En fait, tu vas choisir deux personnes sur les quatre. Voilà. Alors t'as Dandy, Kogu, Eiki, Goustik. Je sens regarde mal. En vide. Je sais pas pourquoi je me sens totalement visé là. Goustik, c'est le mieux. Alors, bon, on est quand même en direct à la radio. Hein. Va falloir te décider quand même. Non, parce que. Ah bah je t'entends pas, c'est ça le truc. Aiki. Et merde. Aiki Kou. Gucci. Gucci, ouais Gucci. Gucci, oui. Ouais, bah Gucci. Alors lequel? Eh mon petit Gucci. Je suis une marque. Kogu, Dandy. Ah ok, Goustique, donc Goustik et Aiki. Le duo d'enfer. Eh ben je vais vous demander de venir ici, s'il vous plaît les gars. Oulala, ça pue. Juste un bateau de Just Dance. Est-ce que tu pourrais me servir deux pintes d'eau fraîche s'il te plaît? Oula. Et donc bah ça va être à toi de parier. Si tu veux gagner le t-shirt, il va falloir que tu dises, bah, à ton avis, lequel va boire la pinte d'eau cul sec en premier. C'est vraiment de l'eau? Si, c'est vraiment de l'eau. Oui, oui. Est-ce qu'on a pensé à prendre un change pour Goustik? Glacé, quoi. Est-ce qu'on a un change? Et donc, bah, le premier, si tu choisis le bon, alors choisis le bon cheval, comme on dit. Le bon cheval, moi, je le vois perso. Si tu choisis le bon, tu repars avec le t-shirt. Je l'appelle Paris gagnant. Allez, c'est parti. Allez, allez, ouais. Wouah. Mise sur le poulain. Alors, tiens. Ok, ouh, ça c'est le verre d'eau qui fait mal au crâne quand ouais. Tu ah ouais, ouais, non mais carrément. Je le connais celui-là. Et hop, et un pour Aiki. Ça me rappelle la semaine dernière, quoi. Alors, attendez avant de le boire. A ton avis, qui va réussir en premier à le boire cul sec? Anakin avec des lunettes. Alors, attendez. On va faire 5, 4, 3, 2, 1, 0 tous ensemble, ça marche? Allez. On va réviser nos chiffres ensemble. Allez, 5! Les gars, tournez-vous vers 4, la caméra par contre. 3, 2, 1, 0! Allez, c'est parti! T'as choisi? Alors là, mesdames et messieurs, je vois Goustik qui est en train, il attaque le virage vers la droite, il commence à descendre. Ah oui! Attention, il arrive, il passe le glaçon, il le bouge avec sa langue. Ah, il y a Aiki qui a demandé encore. Il fait une pause, Non mais Goustik, regarde, il s'arrête pas, tu sais pourquoi? Parce qu'on l'appelle la goulue dans le métier. Allez, Goustik! Allez, Goustik, allez, s'est penché, allez, vite. Ouais, en premier. Non, il a pas tout vu. Il avait mis tout dans la bouche. Non, regardez, le verre est. Oh. Goustik avait tout avalé alors qu'il en avait dans la bouche. Oh là là, arrête, ça me rappelle une soirée, ça. Je crois que j'ai gagné, franchement. Bon, et là, je pense qu'il y a ex aequo. Il y a Tagazo qui demande des images quand même. On demande le ralenti, quoi. Merde. Eh ben écoute, c'est reparti. Tiens, Momo, s'il te plaît. C'est mort. Pas de second tour. Momo qui est au bar, au Meltdown. Et cette fois, vous me mettez un whisky japonais de 15 ans d'âge, s'il vous plaît. Franchement, je préfère. Kogu, est-ce que tu pourrais préparer le disque? Absolument, ça y est. Je pense qu'au final, on va gagner un mal de tête. Hein. C'est lequel? Carrément, fais gaffe à tes pieds au poulet. Il est prêt, faut juste brancher en fait sur le téléphone, si je dis pas de conneries. Ah oui, non, c'est vrai que tu veux faire comme ça. Ok. Donc faut récupérer le câble qui est là. Alors, c'est reparti. T'es vraiment en enfoiré. Ouais. T'as pas une barre, toi, là? Oh, ça va, ça se tire. J'arrive pas à trouver ton trou. Alors là, je vous explique mais pas oui. La dernière partie de l'émission. Je le bois pas, le dernier. Attends, je vais juste voir un truc. Ça passe. Qui a la plus grosse? Alors, est-ce que vous êtes prêts? Allez, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Alors, et là, ça glougloute. Goustik, il est chaud. Il veut faire gagner le t-shirt. Tu sais comment ton prénom? Allez, Pierre. Ah oui, c'est vrai, c'est Pierre. Il y a Goustik, il y a le Donatello qui se dilate un peu, là. Bon, alors, il y a Aiki qui lâche un peu l'affaire. Oula. Non, mais Goustik, il est chaud patate. Il a beaucoup de contenance. Ils vont se prendre une cuite à l'eau fraîche. C'est fini. T'as gagné, vas-y, Goustik, t'as raison. Je te laisse la gloire, franchement. Goustik qui va faire caca mou demain. Ouais, et ils vont passer la dernière partie de l'émission. Eh, c'est Goustik qui a gagné. Oh là là, quel compétiteur. Ouais, c'était pas beau. Temps. C'était pas beau. Ben, eh ben désolé. Mais attends, tu oui, préfères mais nous, on triche. Bon allez, t'as quand même gagné le t-shirt. On peut l'applaudir. Bravo, bravo. Du coup, est-ce que j'ai quand même un peu gagné? Non, ok. T'as quand même un petit peu gagné. Voilà. Par contre, avant de partir, tu nous fileras les 15 euros du t-shirt. on se voit après. Alors, où on en est? Bon, ça va, il nous reste du temps. Merci aux deux follow qui sont arrivés. Alors, Arthur Bert 619 et je sais pas qui. Eh ben, allez, on leur fait un je sais pas qui. Merci à toi. On les applaudit, on les remercie. Alors, c'est, à mon avis, c'est des gens qui sont sourds. C'est ça. En fait, c'est le, ça. Le stream est pas praticable du tout. Hein. Le son crache de partout. Apparemment. Bon, on les embrasse quand même. Tiens, je vais leur faire un bisou à la caméra. Oh, les pauvres. Un gros bisou quéquette, comme on dit dans l'émission. Je voulais qu'on débriefe un petit truc. J'en ai parlé avant qu'on soit à l'antenne. En fait, j'ai acheté cette boîte de jeux. On en fera après si vous voulez. On a plein de trucs à vous faire gagner. On et a du fait, blé dans l'émission quand même. Hein. Dans la boîte, on est tombé sur une carte un petit peu particulière. Et je voulais qu'on profite du fait d'être au Meltdown, quand même un bon bar geek. Alors, c'est une carte qui va vous faire... Alors, ils ont... Oh, les mecs, ça marche pas. Si. Comment il plus fait? Plus tu tapes fort, plus c'est fort. Mais j'ai tapé fort. Ben oui, mais... C'est vrai, mais c'est génial. Bon, on débriefera ça plus tard. Et qui c'est qui comme m'envoie? Une femme. Oh là là, les gars. Voilà, une équipe de bras cassés. Bon, bref, je vais vous poser une question. Ceux qui ont la réponse, ils répondent pas. Oh c'était dans la boîte de geek, je sais pas quoi. La boîte à culture geek. Voilà. Quel est l'accessoire indispensable de la geekette? Le sextoy. C'est pas le sextoy. Alors attention, hein, c'est une question sans préjugés. Hein. La manette? C'est pas la manette. Non. Eh oui, mais tu l'as entendu tout à l'heure. Ah ouais, donc tu donnes pas la réponse. Quel est l'accessoire indispensable de la geekette? Ah. Célia. Allez, Célia. Ce n'est pas le tampon, non. Je sais pas, là. Attends, il faut que je réfléchisse. Eh ben, réfléchis. Raptou, il a... Alors Raptou, alors il a... Ah, Raptou. Attendez, Raptou, Raptou il a l'œil qui brille. Non, je... Il a l'œil qui brille et le poil tout collé, regarde. Alors, quel est l'accessoire indispensable de la geekette? En plus, ça va plaire au public du bar. Ah bah ouais. Bon, qu'est-ce qu'elle attend, Céliana, pour nous donner la réponse? En fait, je crois que tous les mecs veulent pas passer pour des gros machos en disant un truc regrettable, tu vois. Du coup, là, tu nous prends un peu en otage. C'est-à-dire, elle peut se trimballer partout avec? Attendez, Greg a la réponse. Oui, d'accord. Oui, carrément. Des lunettes d'accord. Noires. C'est des lunettes noires. Exactement. Exactement, on peut l'applaudir, Greg, mais comment tu sais? À mon avis, il y a eu des fuites. Hein. Ouais, tu l'as aussi la boîte en fait, c'est ça le délire. Alors écoutez-moi bien, la réponse quoi, c'est juste magnifique. Et ça va plaire à toutes les geekettes du monde et de France qui nous écoutent ce soir. Les épaisses lunettes noires. Le geek est censé être un être asocial passionné par des domaines peu populaires, comme les sciences. Les lunettes épaisses sont un des signes distinctifs pour se cacher. En bref, le geek est une merde. Voilà. Bah t'imagines? T'imagines la réponse? En gros, le geek, il est voilà, il se cache derrière des épaisses lunettes. Je pense qu'il va falloir écrire à cette boîte, ça. C'est qui fait la ça? La boîte du geek, là. Il va falloir écrire. C'est Marabout. Eh ben, on les embrasse pas, Marabout, tiens. Non, pas trop. Donc voilà, je voulais qu'on en parle ensemble parce que voilà, ça m'a choqué. Il y a plein de questions, on en fera après si vous voulez. Mais je sais pas, je trouvais ça un petit peu. Et Tiliana sur le chat avait trouvé les lunettes. Ah, et Tiliana, ouais. Donc on va pas dire qui c'est. C'est une chanteuse. C'est ça. C'est une chanteuse de R&B en fait. Alors, qu'est-ce qui se raconte c'est sur la le madame chat de Raptou. Je suis réellement un culte, on nous dit. Bon bref. Bon, on s'envoie le scud. On s'envoie le scud. Moi, je vais aller prendre un petit sky parce que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'est vrai. Quelle heure il est? Eh ben, il est 20h, tout rond quoi. On n'a jamais été aussi synchro. C'est ça. Alors, est-ce que le disque est prêt, mon Dandy? Bichon? Oui. Dandy. Alors. Oui, allô, c'est l'heure. Oui. Tu vois, heureusement que j'ai demandé avant quand même. Oui. Ah bah mon téléphone, il veut pas marcher. Voilà. Arrête vous voyez, de matcher, vous voyez ce que je subis tous les mardis sans déconner. Oh, t'es prêt? Oui, je suis prêt. Attends. Faut quand même qu'on lance le disque, ça se lance un disque. Est-ce que quelqu'un veut lancer le disque? Tiens, en direct à la radio là. Tu veux lancer le disque? Allez, c'est quoi qu'on écoute? Pas trop loin. On écoute Eminem avec Survival. Yes. Bah tu nous dis, allez, c'est parti quoi. Bah allez, c'est parti. Ouais, c'est un bon. Moi je suis un bon. Moi j'ai, je fais ça depuis très longtemps. Alors c'est parti, mais ça part. Bon, tu le lances le disque. Ça y est. Ça y est. Bon, allez, on lance la honte. Tu Mais ça embraille. Allez, tu dis il est 20h, vous écoutez toujours la voix du geek, on vient juste après. Il part le disque là, il est parti. Après, on l'entend pas. Bon, laisse tomber. Allez, les 20h, vous écoutez toujours la voix du geek et nous on revient juste après ça. Vous écoutez Eau de Radio. Vous écoutez Eau de Radio. Vous écoutez sur 91.3. 91.3. Wasn't ready to be no millionaire. I was ill prepared. I was prepared to be ill though. The skill was there. Beginning, it wasn't about the ends. It was about busting raps and standing for something. Fucking acronym. Cut the fucking act like you're happy. I'm fucking back again with another anthem. Why stop when it doesn't have to end? It ain't over till I say it's over. Enough when I say enough. Throw me to the wolves and close the gate up. I'm afraid of what'll happen to them wolves when the thought of being thrown into an alley. Locator, rotator cuff. Came up rough. Came to ruffle feathers. Now egos, I ain't deflating. The last chance to make this whole stadium in rough. This is the line with each line that I finish, I'm so close to my goals, I can almost pole vault over the goalposts. And if I don't got enough in the tank, maybe I can just siphon enough to fill up this last can. Man, will I survive in this climate or what? They said I was washed up and got a bloodbath. I'm not a rapper, I'm an adapter. I can adjust, plus I can just walk up to a mic and just bust. So floor's open if you'd like to discuss top five in this motherfucker. And if I don't make the cut, what, like I give a fuck? I'ma light this bitch off like I'm driving a truck to the side of a pump. 0 to 60, hopping and gunning like G-Unit without the hyphen. I'm hyping them up. And if there should ever come a time when my life's in a rut, and I look like I might just give up, it might have been stuck. Me for bowing out, I ain't taking a bow. I'm stabbing myself with a fucking knife in the gut while I'm wiping my blood. Cause I just shit it on the mic and I like getting cut. I get excited at the sight of my blood. You're in a fight with a nut. Cause I'ma fight till I die, I win. Biting the dust, it'll just make me angrier. Wait, let me remind you of what got me this far. Picture me quitting. Now draw a circle around it and put a line to its smut. It's survival or what? Stack your hammer, but don't come unless you come to battle. Now I'll jump in the saddle. This is it. It's what you eat, sleep, piss, and shit. Then breathe, your whole existence just consists of this. Refuse to quit. Fuse is lit. Can't defuse the wick. I don't do this music shit. I lose my shit. Ain't got shit to lose. It's the moment of truth. It's all I know how to do. As soon as I get thrown in the booth, I spit. But my respect is overdue. I'm showing you the flow. No one do, cause I don't know no diploma for school. I quit. So there's nothing for me to fall back on. I know no other trade. So you better trade your fucking maxing for some toolboxes. Cause you never take my pride from me. It'll have to be pride from me. So pull out your pliers and your screwdrivers. But I want you to doubt me. I don't want you to fuck leave. Cause this is something that I must use to succeed. And if you don't like me, then fuck you. Self-esteem must be fucking shooting through the roof. Cause trust me, my skin is too thick and bulletproof. To touch me, I can see why the fuck I disgust you. I must be allergic to failure. Cause every time I come close to it, I just sneeze. But I just go one, two, then a cheese. Eau de Radio, écoutez Eau de Radio, écoutez sur 91.3. 91.3. On est dans la voix du geek sur Eau de Radio. on est toujours en direct. Si j'allume mon micro, ça marche mieux. Alors, on est toujours en direct hein, sur O2. Dernière partie de l'émission, on est en direct du Meltdown. C'est un bar qu'on vous conseille fortement. Ça vient d'ouvrir à Bordeaux. Enfin, ça fait une petite année. Ah, ça oui. fait une année déjà qu'on doit venir. Et comment ? Un an et un mois. Eh oui. Que ça vient d'ouvrir. Yes. Ah, attends. Kogu a un problème de sucette. En fait, ah non, c'est moi, c'est moi. C'est un micro entier attardé. En fait, il se met au level. Mais de toute façon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? C'est résolu parce qu'on va être là tous les soirs maintenant. C'était la nouvelle qu'on voulait vous annoncer. D'ailleurs, en parlant de nouvelles, bon, la vanne a un petit peu été cramée. On va se remettre la cantina derrière. Kogu. Oui. Tagazu. Est-ce que tu pourrais venir, s'il te plaît, une seconde ? Alors, évidemment. Gardez une surprise. Viens. Viens au milieu de la scène. Mets-toi à genoux. Allez. Mets-toi à genoux. Ah, on peut l'applaudir à quelqu'un. Bravo. Qui vient de casser un verre. Donc tournée générale. Bon, casse le tien juste pour les applauses. Donc voilà, apparemment, bon, ça a déjà été divulgué. Je voulais te faire la surprise. Donc je mets, tu sais que j'ai même pas fait pour Mélanie. Elle est où? Elle est dehors. Coucou. Je te le demande, non, le genou non, à terre. Toujours Tagazu. Ah ouais, merde, Tagazu. Moi, je t'ai déjà dit oui. C'est l'émotion. Oh putain, enlève ton froc. Bon, pour les auditeurs, j'ai le genou à terre. Décale-toi un peu. Ah, attends, on voit pas. Ouais, ouais. Faut qu'on... Voilà, inversez-vous. Alors, Kogu. Non, Tagazu. C'est pas vrai, quoi. J'y arrive pas. Mais en fait, faut que je te regarde. Tagazu, ça fait plusieurs années qu'on se connaît. Ça fait plusieurs années que tu viens dans la voie du geek faire les cons avec nous, faire le con avec nous. Kogu, je te le demande. Tu sais, oh putain, mais c'est pas vrai, quoi. J'y arrive pas. J'ai l'impression qu'il fait exprès. Tagazu. Bah, moi, je me casse, j'en ai marre. Tu sais, Goustik se barre de l'émission. L'enculé. Donc, il y a une place de libre dans l'émission. Tagazu, est-ce que tu veux rejoindre l'équipe de la voie du geek? Attention, c'est pas rien, t'as des tickets resto à 2 euros. Et tu dois nous passer la bague à chacun au doigt. Avec plaisir. Merci beaucoup. Applaudir. Et comment on fait alors? Tu me portes et tout pour rentrer dans le studio quoi, comme la nouvelle mariée? Non, vas-y, tu peux. Ah ouais. Vas-y, porte-moi. Ah, je crois que le coït a commencé. Le coït a commencé. Je répète. Non, ça sera avec plaisir. Je vous rejoindrai tous les mardis soirs. Donc. Yeah. Ah oh, merci. Et même si vous êtes une équipe de bras cassés, je vous aime quand même. Au moins de ces deux c'est roulé. Ça c'est fait. On a du geek recrute.fr. Pro Nintendo. Oui, non, mais c'est vrai. C'est vrai. Pas vrai. Carrément. T'inquiète, Taga, on va bien s'entendre. Bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Est-ce que vous voulez qu'on parle un petit peu du remaster de Resident Evil? Non. Ou est-ce que vous voulez qu'on fasse que du quiz? Moi, je vais faire que du quiz. Que du quiz? Que du quiz. On est parti pour jouer. Allez. On s'en fout. Que du quiz. Alors. On sort. Non mais si franchement, on l'a streamé le remaster de Resident Evil. On a quand même bien rigolé. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un jeu qui a un gameplay très lent. Et donc pour viser, enfin en gros, je vous raconte juste une scène. On est dans le train au début. On ouvre une porte. Donc dans Resident Evil, quand on ouvre une porte, c'est très lent. Il y a un temps de chargement. Avec des escaliers qui montent pour les auditeurs. Carrément. Et en fait, derrière cette porte se trouve une grosse araignée, tu vois. Non, c'était un scorpion. Un scorpion. Qu'il faut buter. Ah, ça va. Mais il connaît pas bien les barres. On l'a perdu. Il y a un espèce de gros scorpion. Genre, donc, on rentre, on voit le scorpion. Oh merde, on prend peur, on fait demi-tour. Non, on reprend la porte. Attends. On reprend la porte. T'as pas eu peur. Temps de chargement, ouais, un peu. On prend la porte, retemps de chargement, on se retrouve de l'autre côté. On se dit, bon, là, c'est chaud, là. On recharge le fusil, on avait 3 cartouches. On se dit, allez, on y va. On repasse la porte. On se retrouve devant le scorpion, mon gars. Et là, bam, 2 cartouches dans le tapis et une dans le lustre. Et là, genre, oh putain. Et on se rebarre dans l'autre sens. Voilà, pendant une heure, ça a été que ça, Resident Evil. Donc c'est un jeu qui est pas si mal, mais c'est spécial. Y a pas de sauvegarde, c'est une machine à écrire à l'ancienne. Là on a passé toute une séquence avec des cinématiques et tout. On est mort et on revient au début. Ouais. C'est ce qui nous est arrivé. Ouais. Ce qui nous est arrivé quoi. Une demi-heure de jeu. Donc en gros, bon, on le continuera sur le stream, on continuera à le streamer, mais c'est pas gagné quoi. Ça va pas être de la tarte. Bon bref, c'était la petite parenthèse. Il est gratuit. Il est pas gratuit. Non, il coûte 19 euros. En plus, oh là là. Il coûte 19 euros. Eh ben on est parti. J'ai quelques questions à vous poser. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que quelqu'un veut décider d'un gage pour eux? Et genre on les fait jouer les quatre. Non non mais c'est bon là. Putain, merde. Si c'est de l'eau on arrête direct hein. Si c'est boire de l'eau on arrête. Ah vas-y. Un shot cul sec. Un shot cul sec. Ah, je veux, la radio. La bulle d'alcool est en train de participer. Je veux participer. Un entonnoir avec une bouteille de Sky. Alors c'est un shot de d'eau du robinet. De l'eau pétillante. J'ai 13 ans. Avec de la Badoit. C'est que la France va mal. Tu perds. Wesh ma gueule. Un futur alcoolique, faut la surveiller de près. Hein. Faut faire attention. Hein. Parce que ça commence comme ça et puis après, bois, bois, bois. Allez, on est parti. Bon, et ben, quelqu'un a une idée de gage? Non, mais ça me Craig, moi, ça sur m'a le hein. comptoir comme ça, on dirait qu'il a 4 grammes. C'est clair. Tu veux nous dire. Bon, allez, on part là-dessus. Allez, on part sur un shoot cul sec et c'est moi qui le raque en plus. Avec ma paye de la voix du geek. C'est-à-dire 3 ans. Alors, c'est parti. J'espère ouais, mais là, que je vais perdre. Au final, voilà, c'est ça le problème. Ils vont vouloir perdre vu que c'est des arsouilles. Non, non, il faut non, un non, truc. Franchement, non, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Non. Pas le droit. Ah, non, ah, non, ah, non, mais les gardos, c'est vu et revu, c'est, quoi. Alors, il y a Moumout, sur le stream qui nous dit Coca par le nez avec la paille. C'est pas mal. Ah, ça c'est chaud. Non, non. C'est un peu risqué. Non mais le shot ça me va. Bon, on fera boire le shot mais la tête à l'envers, voilà, au perdant. Tiens. Allez, si, c'est bon. Ouah, ça oh, c'est bah, chaud. Ouais, okay. Mais toujours plus complexe quoi. Oui, alors on parle pas tous 10 langues, hein. Voilà. Alors attention, c'est un quiz de rapidité et là, Eiki, je suis très inquiet de voir ton verre qui est posé juste à côté du matériel. Mets-le plutôt près des ordi. Voilà. Mets-le, pose-le là sinon. Non, mais c'est bon, je fais ce que je veux, ok. Oh, le rebelle. Eh, hey, c'est pas ma mère. Alors attention, vous êtes prêts? Question rapidité. Que fait. Alors bah, tu. Ouais, tu. Bah, mais au pire, assis-toi à côté d'eux si tu veux jouer. Allez, vas-y. Elle a 13 ans. Ah non, t'as 13 ans. Oui, non, mais ce serait un shot d'eau du robinet. Voilà, allez, vas-y, je t'en prie. Allez, Goustique, fais de la place. Allez, okay. Bouge ton gros boule. Alors, vous êtes prêts? Attention, question rapidité. Que fait Norman? Des vidéos. Un point. Ok, donc le quiz est pour ceux qui ont l'âge de la personne qui choisit le gage. Okay. C'est ça. Oh. Alors, d'accord. Ok. Là, c'est une autre question, c'est plus dur. Attends, en plus, c'est juste une QCM. Question. C'est ça qu'on juste dit. Juste une petite question. Si ouais. on a dit de la merde à la question d'avant, ça marche ou pas? Ah, non. Un peu. T'as un demi-point. J'ai même pas de point. Non. Quel âge à Pac-Man? 84 ans. Sécurité? Sécurité? Quel âge à Pac-Man? 45. Première proposition. Ah. Il a 20 ans. Non. 20 ans. Ah. Non. C'est faux. Deuxième proposition. Il a 30 ans. Non. Non. Un peu plus. Vous avez l'air sûr de vous, hein. Ouais. Troisième proposition. Il a 40 ans. Ouais. Alors, il y a Régis. 40. 40. Ouais. 40. Kin. Le mec au juste prix, quoi. Bon, Raptou nous dit 30. Alors, non, de 40, vous 5 40. Alors, 40 ans. On a un 40, on a un 30, on a un chocolat aussi pour la douce. 40. 40. 30. 30. Kogu. Non, 40. Bah, ben ouais, non, bah attends, ouais. Et ben, attends, Pac-Man a 30 ans, officiellement. Quoi? Voilà. Il est plus jeune que Mario. Mais c'est qui? Il est né en 1980 et reste un emblème des jeux vidéo. Le meilleur score a été réalisé en 99 par un joueur américain qui a fini les 256 niveaux en 6 heures. Ah ouais. Il en est mort. Il y est encore. En fait, il est en train de streamer. Il y a un squelette comme ça. Pourquoi? Eh oui, mais ah oui, mais c'est à l'époque de la rédaction de les questions. Ah, voilà. Ah. Donc du coup maintenant il a 40 ans. 40 ans. Voilà. Donc en fait on a gagné aujourd'hui. Laisse le pont entier. Bah t'as eu de la chance. D'habitude le Slender habite dans sa igloo là. Ouais mais bon. Attention, question suivante. Je rappelle qu'on joue pour un shoot, un shot. Le shoot de frère, d'héroïne. On joue pour un shoot d'héro. Truc qui part complètement en couille. On joue pour un shot la tête à l'envers. Hein. Sur. Alors toi, si tu connais ça, je vais me poser des questions. Sur quel site de messagerie instantanée avez-vous la possibilité? Ah bah oui. Jackie Michel. Jackie and Michel. Jackie and Michel. Caramel. Attendez, laissez-moi finir. Tu pourrais être disqualifié pour ça. Sur quel site de messagerie instantanée avez-vous la possibilité de vous connecter de façon aléatoire avec des internautes du monde entier? Chatroulette. Non, attends, je l'ai fait. Regardez-moi ce gros dégueulasse. Un homme est direct. C'est comment tu m'as dit? Omegle, qu'est-ce que c'est? C'est la même chose en fait. C'est la même chose que chatroulette, mais... On est au bout du rouleau. Alors, qui a donné la bonne réponse, du coup? Ça a été collégial. Allez, un point pour Régis. C'est dégueulasse. Un point pour Régis. Mais au final, comment on fait pour avoir le shoot? Quand j'en aurai marre, je vous dirai, c'est toi qui bois. Okay, très bien. Moi, j'aime bien ce jeu. J'ai le plein pouvoir sur cette émission. Attention. Dans quelle série télévisée deux passionnés d'informatique créent-ils la femme idéale à partir d'un ordi? Code Lisa. Joli, Kogu. Alors, est-ce que... Ça va, t'énerves. On peut l'applaudir. J'ai jamais vu. Et non, franchement, Code Lisa, c'était une super série. Ça passait sur, c'est repassé sur Game One. Ouais. Il y a quelques années. J'ai toujours zappé. Ah non, c'est hyper bien, Code Lisa. Qu'est-ce que tu dis, toi? Non, il a raison, laisse-le s'exprimer. Comme lui, il dit toujours c'est de la merde, ça vaut rien. Qui c'est qui a coupé la bande son? Enfoiré, ben. Ah, c'est pas moi. Non, il y a eu une coupure de courant, en fait. Ah, vous avez éteint le. Mais peut-être que c'est. Je l'ai vu, c'est elle a tout saboté. Ah, il y a quelqu'un qui a dû débrancher la prise. On vérifie, on est toujours en direct sur la radio. Je veux pas balancer, mais je crois que c'est Kogu qui a appuyé sur Il y a une très très mauvaise connexion ici et l'état du circuit électrique ici est à refaire. C'est minable. Je ne travaille plus dans ces conditions-là. Arrête de me mettre les prises facile, sous les pieds. Tiens pour toi, tiens, tu vas jouer toute seule. Green Lantern est-il un comics de Marvel ou de DC? Mais oh là là! Non! Oh là là! Elle a dit Marvel! Elle a dit Marvel! Oh la pauvre fille! Oh mais quel meurtre! Pardon, il se lâche! Oh mais quelle connasse! Oh bah voilà dans ta gueule, Goustique, voilà. Je crois. Hey, et voilà le cas. Alors, il habite à Libourne. On vous donnera son adresse juste après en partant. Et tiens, pour ceux qui nous découvriraient ce soir, Goustique ici présent, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait plusieurs années qu'il est dans l'émission. Et on aime bien lui faire des blagues. Le truc, c'est que Goustique, il est hyper bon public. Bon public et puis un peu naïf aussi. C'est pour ça qu'on l'aime. Genre, je l'appelle de temps en temps, faisant passer pour la police. Enfin, et il marche à fond. Et en fait, ce Goustique ici, il s'appelle, donc son nom de famille, c'est Lopez. Et en fait, pour ceux qui suivent un peu le net et tout, il y a eu des gitans qui sont un peu embrouillés sur Internet, qui s'appelaient les Lopez. Et en fait, sur le bon coin, en fait, on lui a fait une fausse annonce, comme quoi il vendait une caravane. Et en fait, on lui a fait exploser son répondeur. Il a même changé le message en disant « Oui, vous êtes bien sur le répondeur de Jérémy Lopez. Je ne suis pas joignable. Et si vous appelez pour la caravane, il s'agit d'une fraude. » On peut l'applaudir quand même, Goustique. Bravo, Goustique. Et ce qui est énorme, c'est que moi, j'ai fait cette annonce sur le bon coin. J'ai été me laver. Je suis revenu et il était en train de péter un câble sur Facebook, genre « Non mais c'est quoi, il y a un truc de ouf qui m'arrive là ?» À aucun moment, il s'est dit « Je traîne avec une bande de connards. » À aucun moment, il a pensé à nous, quoi. Alors qu'il était en train d'enflammer Facebook en cherchant le coupable. Je tiens à rétablir la vérité, il a surtout cru que c'était moi d'emblée. Oui, c'est vrai. Non, au début, j'avais cru que c'était toi, mais comme je savais que t'allais bosser, et puis après, bon, il s'est passé ce qui s'est passé, je suis un gros naïf. Il faut savoir que de 10h30 jusqu'à 13h30, j'ai eu tout la color Itano. Hein, quand même. C'est-à-dire que voilà, j'ai eu tous les gitans de France juste pour une petite caravane. Quoi. En plus, j'avais fait ça bien parce que quand tu rentres une caravane bien, sur le bon coin, il y avait une faute d'orthographe. Genre, pourquoi la description? Ah oui, j'ai mis. Je la vends parce que j'en veux plus. Parce que j'en veux plus. Bon bref, c'est notre Goustique national, on l'adore. Voilà. Alors, c'est pour ça qu'il a choisi de partir en Belgique. Qui vient traverser le bas. Tiens, allez, on en a parlé tout à l'heure en plus. Vas-y. Elle a des bracelets dorés. Wonder Woman. Jolie. Bon bah j'aurais pas dû dire que elle a une ceinture magique et un mini short made in America. Qui est cette super girl? Et c'est Wonder Woman. J'aurais cru Hillary Clinton. Alors attention, question de geek encore, comment s'appelle l'acteur qui a interprété Spock à la télévision? Leonard Nimoy. Jolie, Goustique. Merci. Bon alors au niveau des points, on en est où? T'as pas précisé si c'était dans la première version ou dans la dernière? Moi, à la télévision, on a dit. À la télévision. Donc, autant pour moi. Série télévisée. Enfin, moi, je l'ai vu à la télé en même temps. Et pour l'instant, qui sait qu'il n'y a aucune bonne réponse là? C'est Dandy, hein. Bah, non, il y a Iki aussi. Non, moi, je l'ai dit, chatroulette. Ah ouais. Bah, moi aussi. Moi plus. Ben on a un chacun. Alors. Et ben je pense que on va vous. Quelle heure il est là? Non, quelle heure non, non. Il est? Parce qu'on rend l'antenne. Dans... Ah, ouais, ça y est, le gars quand il décide. On a encore c'est moi qui ai 0 points. Non, non, j'ai encore perdu. Je vais pas boire. On a encore le temps. Vous avez 3 secondes pour donner la couleur du slip de Superman. Blouge, blouge, rouge, rouge. Blouge, rouge. Il a dit. Violet. Et qui a dit bleu sans déconner? Je croyais qu'il y avait c'est un piège. Tu vas, ce que tu c'est fais, t'as de la longueur à ton micro, tu vas finir l'émission au bout de la barre. C'est mort. Ça, c'est le man, no style. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait fait un quiz, il a fait toute l'émission dans les chiottes de la radio. Qui sont quand même super glamour, les chiottes de radio. Putain. J'en ai fait mon bureau, en fait. Ouais. C'est un peu ça. Il va falloir que je retourne au bureau après. Ouais. Ok. Ah, je me suis rattrapé, c'est bon. Ouais, ça va, ça va. C'est cool. Ah, tiens, on s'assort. Alors là, il n'y a que Tagazu qui peut répondre. Il y a que lui. Enfin, franchement, c'est le plus qualifié pour le faire. À sa sortie en 89, combien coûtait la Game Boy? 300. Alors, 1100 francs, ce qui équivaut à 168 euros pour les plus jeunes qui nous écoutent. 890 francs, 136 euros. En ancien franc, hein, Tagazu. Alors, en ancien franc, c'est 590 000 francs. ou 590 francs. Donc 90 francs. C'est ton dernier mot? 590, oh, ouais, c'est mon dernier mot. Parce qu'après, t'as accès à la vitrine. Alors, pour 8 euros, je vais prendre le lisseur à cheveux. C'est le mien en plus, il marche super. Eh ben c'est la bonne réponse. Ça coûtait 90 euros. Bravo, on peut l'applaudir. Je vous rappelle que l'Oculus va sortir à 740 euros. Ouais, alors celui-là il est en vrai euros, hein. Ouais. Donc en francs en France ça faisait 3590 francs. La Game Boy. Joli. Ça pique un peu. Ah, c'est une bonne question ça. Dans le dessin animé Les Simpsons, comment s'appelle le propriétaire de la boutique? Apu, Apu, Android, Dungeon et Baseball. Ah, wow. Ah, oula. Le patron de la boutique de. Le vendeur de BD qu'on l'appelle. C'est pas le gros geek là. C'est pas c'est le gros geek. Ouais, Gary, non. Gunther. C'est pas. Gunther. Oh, you touch my tralala. C'est peut-être pour America. Ah, attends, on t'entend pas Barney. Si tu parles pas dans le micro. Non, c'est pas Barney. Barney. Phil Barney. Oui. C'est pas ça. Et alors, tu veux chanter quoi? Alors, tu es juste devant la caméra en fait. Ah ouais, Delphine, coucou. Si vous pouvez te décaler un tout petit peu, c'était pile devant le. La meuf qui essaie de faire le. On a des personnes sur le chat qui demandent quelle est la couleur de tes cheveux en fait. Quel soin tu fais? Alors, Delphine, il y a quelqu'un sur le chat qui demande de quel numéro, tu sais, il y a quel numéro sur la boîte de ta couleur? Bon, c'est 12, c'est 12. Une émission sponsorisée par L'Oréal. Alors, vous avez pas la réponse? Mais c'était quoi la question? Oh les mecs. Mais non, comment mais... il s'appelle le propriétaire de la boutique de comics dans les Simpsons? Le vendeur de BD? Ouais. Le vendeur de BD. Oui. Il s'appelle pas comme ça. Le vendeur de bande dessinée. Non. Alors, je sais pas. Mais je sais pas. Il s'appelle Jeff Albertson. Faut trouver. On est dans un bar de geek ou on est dans un bar où on mange du saucisson? On peut faire les deux. Il y a un plateau de charcuterie, je te rappelle qu'il vient de passer. Vous faites chier. Bon, on rend l'antenne et hop, on arrête. tiens, bonne question. Quelle a été la première console de jeux vidéo de l'histoire? La Thomson. La Wattbox. La quoi? La Wattbox. La What the Fuck Box. Non, non, c'est pas ça. La Wattbox. C'est pas ça. La Magnavox. C'est pas ça non plus. Je sais pas d'où vous sortez les noms, mais. L'Amstrad CPC. C'est non pas ça. Encore c'est plus vieux. C'est pas la Thomson. Atari ST. Ouais, non, je crois que c'est une Thompson. Elle a été créée en 71. La Xbox One. La télé. La Xbox 360. D'où le catalogue assez important de. L'Atari ST. Non. Eh ben, il s'agit de. Ah non, c'est pas la Wii, non. Il s'agit de l'Odyssée. Ah ben oui. L'Odyssée de Magnavox. Alors j'aime voilà, beaucoup le. Magnavox. Il a dit. Ah, mais fallait. Moi je voulais l'Odyssée quand même. Oh, mais il fait. Oh là ça. Oh, c'est rapide. Mais ça va, il va pas la ramener, il a gagné un t-shirt en plus. Il va commencer à nous coûter cher en goodies, lui. Hein. Il est fou. Tiens, blackliste-le, s'il te plaît, qu'il revienne plus quand on va. Non, mais c'est bon, je l'ai pris en photo, t'as l'air, c'est ah, bon. Cool. Il repassera plus. On va te faire un truc wanted sur Twitter. Tiens, si, quel est le nom de la petite fée compagne fidèle de Link. La fellation. Navi. Et je l'ai dit en premier là. Non, il va se calmer. Oh le mec. Non, hey. Oh le mec. Pas toi qui connais Zelda, d'accord. Vous avez pas gagné le shooter là comme ça. Ah merde. Bah oui. Non, mais... Est-ce que je peux manger tes citrons? Oui, vas-y, mange mon gros citron. Est-ce que tu nous préparerais en bande son Never Gonna Give You Up? Ah non, c'était pas ça. C'était avec Jim Carrey. Ah oui, bien sûr. On va se quitter là-dessus. Est-ce que tu peux nous préparer une petite blanquette après? Ouais, j'y travaille. Merci. Alors celle-là, je pose la question, Goustik et Iki vont trouver tout de suite. Pas forcément. Quel métier exerce Lara Croft? Archéologue. Chasseur. Archéologue. Chercheuse de trésors. C'est ça. Mannequin. Elle est archéologue. Actrice. Bon, je pense qu'on va passer au shooter. Ouais. Ok, très bien. Alors, qui a donné le moins de bonnes réponses? Moi, j'ai envie de dire, c'est le public qui va choisir. J'ai envie de dire, que Dandy il boit jamais. Ouais, et ben moi, j'ai envie de. Comment c'est ton prénom? Maréva. Qu'est-ce que tu vas nous chanter, Maréva? Pas cap. Tu es venu avec tes parents? Eh ben écoute, Maréva, c'est toi qui vas choisir. Alors, c'est toi qui choisis. On lui dit tous de choisir Dandy, on est d'accord. Qui va voir le shooter d'Alex? On est d'accord. Il boit jamais. Moi je trouve qu'il y en a un qui l'ouvre quand même beaucoup. Il boit jamais. Ça serait super marrant si c'est lui qui boit. Ah ouais. Non, un seul. Après, en même temps, si tu le choisis pas lui, prends-moi. Dis comme ça, c'est un peu tendancieux. Un petit peu. Un peu? Eh ben, regarde. Quoi? Regarde un petit peu. C'est vrai qu'il ressemble à Kev Adams. Elle dit oui en plus, c'est génial. Non. C'est pas les mêmes cheveux. Ouais. Alors? Et après, une fois qu'il boit. Et tu sais qu'on n'est pas en direct à la radio jusqu'à 23h quand même. Alors, dis-nous. Gobou. Juste pour ça. Gobou. C'est un Pokémon. Eh bien, c'est Gobou. Bon, ben, c'est pas moi. Allez, Gobou. Alors, on va t'installer, je sais pas trop où, genre là. On va te mettre là-dessus, on va te tenir les jambes. Ça fait un an et demi que j'ai plus bu. Et c'est ce soir à cause d'un jeu de l'alcool, attends. Moi, je prends tout ce qu'on m'offre. Bon, eh ben, faut voir avec la barmaid. Je suis pas regardant. Faut voir avec. Est-ce que tu peux nous préparer un petit shooter de n'importe quoi, ce que tu veux, s'il te plaît. Un truc bien fort. Du canard WC, tu sais. Je suis déçu, je pensais que ça allait être. Comment il s'appelait dans La Croisière s'amuse, le barman? Le black, là? Ouais. Isaac. Alors, Isaac de La Croisière. Allez, vas-y, mets-toi en place. Alors, il faut lui tirer les jambes, les gars. Ah bah, oh là là. Bah attends, est-ce que c'est prêt allô? Ah non, attends. Je suis en guerre en double fil. Oui. Allez, vas-y. Allez, bah tu t'assois comme ça, tu mets la tête à l'envers et tu vas boire un shooter et tu vas t'étouffer en direct à la radio. Ah bah oui. Et bah il se penche en arrière. Et vous lui tenez ou les jambes. Sinon. Alors attends. Non, regardez, je vais le boire à l'envers en vous tournant le dos. Non, sinon mets-toi sur la banquette. Alors, on va vous demander une petite place, s'il vous plaît. Allez, on est en train de le mettre en place. Et Iki, tu ne bois pas le verre, s'il te plaît. Ah non, faut que tu te mettes... Ouais. Ça va être magnifique. Mais si, c'est possible. En plus, il a mis sa plus belle chemise. Alors, comment on se sent? Allongé. Cool. On dirait une séance de psychiatre. Quoi. Ouais, c'est clair. Quoi. Mais ça, il va lui tomber directement dans la gorge. Allez, vas-y. Allez. Yes, allez, on peut l'applaudir. Il en a dans l'œil. Comme dans le poney. Mister Boukake, qu'on l'appelle dans le métier. Quoi. Merci beaucoup. Bravo. Bon, bah voilà. Il est content, il a eu son shoot. Jérôme, à l'autre bout de la France, Jérôme, tiens-toi prêt. On va se quitter sur Never Gonna Gonna Again. Never gonna give you up. Ah non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. C'est Ozone. C'est quand tu veux, ma poule. Eh ben écoute, vas-y. Vas-y. Allez, let's go. Ça y est, c'est parti. Hein. Ouais. Là, c'est parti. Là. Ça, alors c'est... là. Ça arrive crescendo. Je suis fier. Ça arrive crescendo. Là, je veux que tout le monde chante. Et puis. On a perdu coucou. Transgoubré. Transgoubré. Transgoubré. Transgoubré. va mon bras nous mailler fraîche, fraîche, va chercher la poêle. La la la, la la la. Ça y est, les gens. Je vous rappelle qu'ici, avant, c'est un bar karaoké. C'est vrai ? Absolument. D'où les fantômes de gens qui passent comme ça. À l'époque où j'étais à l'armée, je venais chanter ici. Yes. Absolument. Bon, est-ce que... Attends, je regarde un truc. Génial. Bon, de toute façon, je pense qu'il est sur le dos. Bon, bah voilà. En tout cas, merci à tous d'être venus. C'était cool. Merci le Meltdown de nous avoir invités. Merci à vous tous. Merci au Meltdown. Ouais, c'était cool. On essaiera de se refaire ça. Merci à Tagazu. Et puis merci à Tagazu qui rejoint l'équipe au prépare tes contrats. Hey, Tagazu, prépare-toi pour la lune de miel. Ah ouais. On est 5. Tiens d'ailleurs Tagazu, tu voulais nous parler de l'hiver des gamers. Juste dire qu'il y a l'hiver des. Ça commence. C'est que le début. Ouais, avant que j'arrive à l'antenne. Non, week-end des gamers, l'hiver des gamers, voilà, ce week-end, à Talence, salle François Mauriac. Venez, viens aider les gens, c'est super. Voilà, viens aider, viens. Merci Boulet. Je suis tout en mêlée. Bon, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. On vous retrouve où alors? On nous retrouve où? Où c'est qu'on retrouve la voix du geek? Bah là, t'as à manger. On la retrouve sur Facebook, on la retrouve sur Twitter, on la retrouve carrément sur Twitch. Voilà. Et également, depuis très peu, nous sommes sur iTunes. Oui, carrément. Retrouvez les podcasts sur iTunes. Faites-nous gonfler les stats un peu. Voilà, et puis n'oubliez pas, surtout partagez, dites qu'on est super professionnels. C'est ça. On est la meilleure émission de jeux vidéo que vous avez jamais écouté. Et faites-le, les gens vous croiront. Si vous en êtes convaincus, vous convaincrez. Bon bah voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures sur Eau de Radio. La semaine prochaine, on se fait le test de Lego Marvel. Ah, oh, j'ai hâte. Oh, trop bien. Ah, ça s'en va, tu sais que je suis désolé, moi j'ai donné pour Lego Jurassic Park, Jurassic World. Va quand même falloir qu'on se débloque un stream dessus quand même. On va se débloquer un stream dessus. En tout cas, voilà, on se retrouve la semaine prochaine, 19h sur Eau de Radio, 411.3 en Aquitaine et sur eau-de-radio.net pour le reste de la Gaule. Et puis voilà. Bon, Jérôme, j'espère que t'es sur le coup, sinon tu vas nous faire un magnifique blanc à l'antenne. En tout cas, merci à toi aussi, Jérôme, merci. Merci, Jérôme. Jérôme, c'est le mec qui est resté en régie au studio d'Eau de Radio pour qu'on puisse être en direct sur la bande FM d'ici. C'est le mec qui était pas sortable juste physiquement. Ouais, en fait, c'est juste qu'il est trop moche. Donc on le laisse. Tu vois, Sinoc? Bah, pareil. On a pris que les top modèles. Acoustiques. C'est ça. Merci. À la semaine prochaine. Bisous. Bisous.